Et après l'émission, après Love in Fun, c'est Mickaël. Non, c'est Morito. Ah, c'est Morito ce soir. Non, pas ce soir, mais demain. Là, je vais avec Karima, là, parce qu'elle ne me croit pas que j'arrive à les faire. Alors, oui, tu postes des photos sur Instagram le week-end. T'inquiète. Maintenant, faut prouver. Mais t'inquiète, pas de problème. Tu verras demain. Maintenant qu'on est filmé, il faut que tu montes ta recette. Pas de problème. Je viendrai demain dans Love in Fun faire des Morito. D'accord. Ah, d'accord. Je croyais qu'il y avait que Karima qui avait droit à des Morito. Non, vous emmerdez pas. Si, Mickaël. Le doc barman. Le doc était jaloux, là. Non, non, mais je fais un Virgin Morito pour le doc. Ah, pas d'alcool, bon. Avec exact, grand plaisir. Mais il fait bien. Il fait bien. Bon, bah, rendez-vous demain dès 20h alors. Ça roule, bonne soirée. Et puis, bah, nous, c'est parti là jusqu'à 2h du mat, tout le monde. Allez, hop là. Ciao, Mickaël. Ciao. Mickaël, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Mais oui, on est en direct sur Fun Radio. Là, bonsoir tout le monde. En 23h pétante. Et ça, c'est quand même la folie. J'espère que vous allez bien ce soir, que vous avez passé une bonne soirée. Là, bah, Mickaël No Limit. Là, ça y est, c'est parti jusqu'à 2h du mat. Et depuis hier, hein, 20h minuit le dimanche soir. Comme ça, prenez note, faites passer le message. C'est noté. Eh ben, exactement. Donc, tant mieux. 20h minuit, donc tous les dimanches soirs. Et puis 23h, 2h du mat, toute la semaine, du lundi au jeudi. Donc, moi, c'est Mickaël. Alors, je me présente comme ça. Hein, des fois qu'il y a des nouveaux qui viennent de débarquer, vous êtes les bienvenus, évidemment. Tous les soirs, 23h, 2h. Et puis, il y a Sandro aussi qui vous répond, là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et vous pouvez, si vous voulez aller voir maintenant sur le Facebook de l'émission, donc facebook.com/mickaël officiel, vous pouvez voir que c'est bon, la gastro, c'est terminé, puisqu'il était en train de bouffer un chocolat. Ça y est, c'est fait. Quoi, c'est fini. Elle a faim. Et voilà, c'est ça, elle a faim, elle a faim. Enfin, Toff essaie de lui bouffer aussi. Mais bon, allez voir. Facebook.com/mickaël officiel. Voilà, il y a aussi le 02 851 4x0. Si vous appelez de la Belgique, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'appeler. On est là jusqu'à 2h du mat pour parler de ce que vous voulez. Venez prendre le contrôle de Fun, il n'y a pas de problème. Il y a aussi Toff, le roi du sexe, mais seulement dans ses rêves. Non, je suis pas d'accord. Bah moi, si. Il y a un moment. Les femmes ont envie de témoigner. Ouais, mais il y a un moment, je pense qu'on va avoir difficile à trouver ces nombreuses femmes, justement. Pas mais bon. Du tout. Bon, pas et du puis Polo, évidemment, la star incontestable du Pipo, bien c'est évidemment. Ça, je suis et là. Ouais. Voilà, qui s'est fait d'ailleurs attraper par par Mélanie d'ailleurs, hein, devant la radio tout à l'heure quand tu es arrivé. Ah nous oui parlons du Pipo, ouais, en disant ah, le Pipo c'est de la génial, balle et tout. Véridique, hein, Mélanie, ouais, on t'embrasse, hein, si tu te reconnais, enfin si tu écoutes la radio en tout cas, qui est passé devant la radio cet après-midi quand on est arrivé, on se dit on est arrivé à quoi, à 14h, et puis elle dit ah vous travaillez déjà, alors qu'on allait juste aller picoler au bar. On allait picoler et manger. Voilà, donc en fait pas du tout. Bon, et puis ce soir on aura aussi à nouveau Chéri, je peux te faire cocu, et ça va être du très très lourd. Pour ceux qui étaient pas là la semaine dernière, hein, le chéri, je peux te faire cocu, ça a fini comme ça. Ça se passe pour une pute, apparemment, on m'appelle la poule, là, si tu veux, mais tu sais quoi, mais reste avec eux, nous deux, c'est fini, ok. Voilà, et oui, eux deux, c'est terminé. Donc si vous voulez, on refaire un tout à l'heure, hein, chéri, ah, je peux oui, te faire cocu. Plaisir. Si vous voulez, si vous avez un mec ou une meuf un peu nerveuse, eh bien, appelez-nous tout de suite, il y a des cadeaux pour vous, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a toujours des PlayStation 3 également qui sont à gagner si vous jouez avec nous et qu'on se marre bien. On aura aussi la suite de notre histoire avec Laetitia. Souvenez-vous, si vous étiez là hier entre 20h et minuit, c'était précisément vers 23h40, si mes souvenirs sont bons, en fin d'émission là. Je peux pas vous le résumer parce que c'est un petit peu compliqué, mais on aura évidemment notre ami tout à l'heure, Roger, hein, bien entendu, pour le résumé. Alors, bien sûr. Voilà, grosso modo, c'était globalement ça. Hein, écoutez. C'est pas moi qui a donné le numéro. Voilà, ouais, c'est pas lui qui a donné le numéro, et puis après il y a eu ça. 218-218 et que Toutou Youtou, il va lui donner son numéro. Voilà, c'est ça, il y a eu Toutou Youtou qui a donné le numéro au téléphone, on a appelé le 118-218. Bref, ça a été un bordel hier soir. Heureusement, Roger, donc Roger Résumé sera là ce soir pour un nouvel épisode de Amour, Gloire et Vulgarité, épisode 2. C'est la sitcom qui vous permettra de tout comprendre sur cette histoire. Je voulais aussi vous demander si vous avez déjà triché sur votre physique. Ah bah vous, ça vous est déjà arrivé à Polo, ouais, alors là, je peux vous montrer. Non, ah jamais, si, jamais. Je peux vous montrer des photos de lui, on les a revus ce midi, il est en train de bouffer là. Des mais photos de lui quand on était en vacances là, à des moments là. Oh là là là là là là là. C'était scandaleux, hein. C'est pas triché. Non mais tu faisais 2000 kilos là. Je faisais pas 2000 kilos, mais c'est pas triché. Enfin pas loin quoi. Non mais c'est pas triché. Non, il n'y en a qu'un seul qui ne triche pas sur son physique, c'est Toff. Oui, mais je ne peux pas. Je voilà. Ne peux pas. J'ai essayé, je c'est ne peux pas. C'est du 100% pur porc. Attends, t'es sérieux? Tu bouffes des pieds de porc, je te rappelle. Des pieds de cochon, j'adore ça. Des pieds de cochon, quelle horreur. Je suis sûr que plein de gens en France. Mais arrête, personne mange ça là. T'es sérieux? C'est pas vrai. Par contre, on t'entend super mal, Tof. Je sais pas si t'as remarqué toi. Bah si, mais je me suis dit que tu me censurais comme d'hab. Bah non, moi je peux pas. Moi je n'ai pas la main là dessus. Donc bizarre. Donc voilà, donc sur Facebook, dites-nous, Facebook, Twitter et Instagram, j'ai mis la photo d'une fille en fait qui, une jolie fille au prix a priori, qui montre comment on peut paraître super bonne quand on sait se mettre en valeur. Mm-hmm. Donc venez me dire tout simplement si vous avez déjà été un fake ou si vous avez déjà peut-être été déçu quand vous avez rencontré quelqu'un de fake. Non mais c'est vrai, comme la fille en fait tout simplement, vous voyez la photo avant et après, ça a été pris à un quart d'heure d'intervalle, et elle est entre les deux quarts d'heure, donc elle s'est arrangé les cheveux, elle s'est mis un peu de fond de teint d'autobronzant, elle a mis un maillot noir à la place du rouge, et en fait elle a mis sa main sur la hanche pour qu'on voit pas le petit poignet d'amour. Et du coup en fait on a l'impression que la meuf elle est méga bonne, qu'elle a perdu 10 kilos alors que pas du tout. Donc allez voir facebook.com/michaelofficiel, vous me direz ce que vous en pensez, je compte sur vous et on lira évidemment tous vos messages en direct à l'antenne. facebook.com/michaelofficiel. Un tour du côté du standard maintenant avec Greg qui est avec nous là. Bonsoir Greg, t'appelles pourquoi? Ouais, salut les gars. Ça va bien? Ça va, je vous appelle. Parce que moi j'ai un problème, je me branle une dizaine de fois par jour. Ah pas mal, joli score. Ce n'est pas sale. Non, ce n'est pas sale. Il m'arrive de faire plus. Exactement. Mais écoute, on va en parler dans un instant, tiens, puisque Tof est un grand spécialiste dans le domaine, ne bouge pas de là. C'est vrai. Bah oui, on aura Gloria également de Limoges là. Bonsoir Gloria, t'appelles pourquoi? Salut, donc moi je vous appelle parce que j'ai un petit souci, j'ai le pote de mon copain qui fait tout pour nous séparer. Ah bah très bien, ça rapportera il y a un petit rapport avec Laetitia là. Les problèmes de potes, de copains, de copines qui reviennent, qui foutent la merde, et puis Toutou Youtou qui se met au milieu aussi, le 118-218. Peut-être pas à ce point quand même. Ah d'accord, t'as écouté l'émission d'hier toi Gloria ou pas? Oui, j'ai écouté. Bon, donc t'as entendu l'histoire de Laetitia. Donc on en parlera dans un instant. Bouge pas de la Gloria. On a aussi Aurélien dans un instant. Salut Aurélien, on parle de quoi dans un instant? Ah ben non Aurélien, c'est toi le top tweet d'hier? Ouais. Ah Aurélien qui s'est mis dans la mer tout seul. Je vous explique ça dans un instant. Tiens, voilà, mais complètement là. On écoutera aussi le son d'Avicii sur Fun Radio avec Wake Me Up. Et je rappelle que si vous voulez choisir vos sons, allez-y. On est jusqu'à 2h du mat. Le programmateur de la radio est roupi depuis bien longtemps. Donc si vous voulez... Pascal, si tu m'écoutes. Mais si vous voulez choisir vos titres, n'hésitez pas. Vous mettez le hashtag et Mickaël sur Twitter, vous demandez les titres et puis bah nous on voit ce qu'on a et puis on vous les passera avec plaisir. Avicii en tout cas est préparé, ça c'est sûr. On vous avait été nombreux aussi à demander Showtech. Eh ben, je vous le remettrai également le Showtech avec Slowdown. Voilà, et puis ceux que vous aimez aussi, évidemment, Martin Garrix. Hein. Tof, il a dit Martin que t'arrêtes de remuer ta tête comme ça comme un con là. Je fais ce que je veux. Sa chanson. Ben, tu niques sa chanson, il va venir te péter la tronche, tu vas voir. Depuis que je sais qu'il s'appelle Martin. Martin, yeah, parce qu'il est un peu dans le Hollande. Hein. Ah oui. Bah oui, c'est ça. Et puis Will.i.am également sur Fun Radio. Et en côté cadeau, il y a aussi les PS3, hein, je vous offre ce soir la PlayStation 3 sur le Facebook de l'émission. Allez-y, maniez-vous. Ça se passera avant 2h le tirage au sort. facebook.com/michaelofficiel. Il suffit simplement de venir nous rejoindre et puis on fera un tirage au sort tout à l'heure. Je compte sur vous. Bon, retour avec, dis donc Aurélien, là, c'est toi qui t'es mis dans la mer tout seul, hein, c'est ça hein. Ouais, je me suis mis dans la mer, moi. Voilà, concrètement, il nous a appelé hier, nous a même pas appelé, nous a envoyé un message en disant si le hashtag est Mickaël et top Twitch, je me mets tout nu dans la rue et je crie pour faire la pub de l'émission, c'est bien ça? Et donc, t'as dit que t'allais le faire aujourd'hui, c'est ça? Oui. Parfait, tu l'as fait aujourd'hui? Ouais, mais il y a eu un petit problème. Bon, bah, tu nous en parles dans un instant, là, reste avec nous, Aurélien. Et puis, on aura aussi Alexis qui est avec nous maintenant, là. Tiens, Alexis, bonsoir Alexis. Salut. Ça va bien de Bretagne, Alexis? Ouais, ouais, j'ai 15 ans, moi je suis de Bretagne, T'es où en Bretagne? Quimper. Il a plu aujourd'hui, non? Non, pas vraiment, non. Ah bon? Non, mais il a pas plu en Bretagne. Putain, c'est fort ça. Ouais, comme quoi tout arrive. Ça y est, putain, les Bretons vont arriver là. Non, c'est comme si on partait en guerre. Bon, on va recevoir des dizaines et des dizaines de messages de Bretons là. Ouais, il pleut pas toujours. Ouais, arrêtez un peu vos conneries, etc. Bon, mais il faut en fait constater que c'est l'image que ça a en tout cas. Bon, alors Alexis, on parle de quoi, dis-moi, avec toi là? Bah, en fait, mes parents, ils me laissent jamais sortir. Il y a peut-être une raison à ça, hein. Comment? Il y a peut-être une raison, ton âge. J'ai 16 ans. Oui, c'est ça, oui, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Peut-être que tu as des mauvaises notes en cours et du coup, ils te laissent pas sortir. Non, hein. Voilà, non, j'ai mon brevet avec mention assez bien et tout. Bon, tu veux sortir où? C'est où qu'ils veulent pas te laisser sortir? Ah, dans des boîtes échangistes. Par exemple, tu vois, sortir avec mes potes en après-midi et tout, rien que ils veulent pas. Ah oui, mais c'est pas sortir là, c'est juste aller voir tes potes. Ah oui, là, c'est encore pire que ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était vos, tu sais, genre sortir le soir, aller à gauche, à la droite, je sais pas moi, tu vois. Ouais, et puis me laisser Et puis quand je sors pas, ils me laissent travailler chez moi, ils me font style coupe-lait et tout le bordel quoi. Ah ouais, mais attends, faut que t'aides un peu là, attends, et ouais, rebelle-toi, ouais. Fais grève, hein, mec, attends, t'es français ou pas? J'ai beau essayer, mais il me gueule dessus, quoi. Bah ouais, mais attends, fais grève, attends. Fais grève, t'en as rien à foutre, t'es en France, mec, t'es en Bretagne. Tu te barricades dans ta chambre et tout. Voilà. Non, moi je veux pas. Stop le travail, stop le travail. Il va se prendre une baffe dans la gueule. Ah, il va s'en prendre une grosse baigne, là, je pense qu'on peut bien se marrer là. Et nous, par derrière, on te brûlera la gueule. Et on lance-flamme, bien sûr. Avec plaisir. Bon, non, si attends, tu veux, je te peux te le prêter, Alexis, le lance-flamme, si tu veux, ça peut t'aider, on sait jamais. Ouais, comme ça, tu brûles la haie et puis tu dois plus la couper. Ouais, voilà, comme ça, t'es tranquille. Tu sais, t'as qu'à la limite, ce que tu peux faire, c'est mettre un. Tu mets un petit poison dans la haie. Allô ? Ouais, tu m'entends ? Ouais, ouais, mais ça capte pas. Ça capte ah bon mal, oui. Bah écoute, nous, on capte bien, alors on a full réseau. Là. Donc, et là, tu sais, ce que tu peux faire, c'est mettre un peu de poison, tu sais, tu mets de l'essence un peu autour de la haie, elle va crever. Hein. Après, ouais, t'es tranquille. Oui, bah ouais, après t'es tranquille, mec, tu nous demandes une solution, nous on est là pour t'aider. Bon Alexis, on va demander aux autres ce qu'ils en pensent là, vous qui êtes derrière la radio jusqu'à 2h du mat avec nous, et bah balancez vos messages maintenant, vous envoyez votre message, vous envoyez Mickaël par SMS au 64 900 et Mickaël également par SMS au 30 44 pour la Belgique. Si vous avez un conseil éventuellement à donner à Alexis, là, qu'est-ce qui s'est passé, vous avez déjà eu des parents qui étaient un peu relous, à ce niveau-là j'en pouvais rien faire, bah n'hésitez pas à venir nous en parler. Il y a plein de messages qui sont déjà arrivés sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Élise qui dit je suis spécialiste pour truquer. Mais selfie, maquillage, coiffure, tenue, bon angle, bonne retouche, etc. etc. Mmh. Très bien Élise, on va essayer de t'appeler Élise, laisse ton numéro. Christopher aussi qui dit je peux appeler pour faire un battle de flûte avec Polo. Ah ouais, mais en parlant de ça, il y a eu je vous en parlerai dans un instant, mais apparemment quelqu'un a essayé de d'escroquer ouais. Polo. Ouais, mais moi à base de flûte. D'ailleurs, je crois que c'est Christopher, si mes souvenirs sont bons là sur le Twitter, ouais. Il m'a envoyé le son tout à l'heure. Et il y a un moment, faut quand même pas se foutre de notre gueule. De toute façon, je m'en fous, je suis le Jimi Hendrix. Ouais, mais t'en parles pas. Mais on en parlera dans un instant, justement. Ben, restez sur Fun Radio, je vous cale Avicii, comme promis. Et je salue également tous ceux qui sont connectés. Je rappelle également que si vous venez me suivre sur Twitter depuis la semaine dernière, eh bien, je vous fais un follow back. Donc, je vous suivrai à mon tour. Pareil sur Instagram, vous tapez simplement M-I-K-L officiel sur Twitter et sur Instagram. Et on se retrouve et on se follow mutuellement. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël. Ah ouais. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France. Allez, 01 42 48 5000. Vous appelez évidemment d'où que vous soyez, n'hésitez pas. Le numéro est là. Il y a Sandro qui est au standard, donc allez-y. En plus, c'est gratuit hein, si vous appelez depuis une box, la Freebox, tout ça, etc. Bah ouais. Il n'y a pas de problème. Et puis sinon, ça décompte de votre forfait, mais genre une minute, hein, puisqu'on vous rappelle direct derrière. 01 42 48 5000. On aura la colle dans un instant également avec les packs fun aussi à gagner. Et puis, je vous rappelle également qu'il y a toujours la PlayStation 3, je vous en avais parlé en début d'émission là, PlayStation 3 que je vous offre sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez la gagner, eh bien il suffit simplement de venir faire un like facebook.com/mickaël officiel. Et puis sur Twitter, on salue les nouveaux connectés là que je viens de follower, puisque c'est le principe hein, vous me faites un follow sur Twitter hein, tapez mickaël officiel et je vous follow back. Juste derrière, il y a fan de MW3, il y a Rémi, Grégory, Nathan, il y a Yacine également, Damien, Pauline et Oscar, les petits nouveaux qui viennent de débarquer sur le Twitter. Et eh ben merci et puis soyez les bienvenus. Surtout chez vous, il n'y a pas de problème. 23h, 2h sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Venez prendre le contrôle de Fun Radio. Vous êtes ici chez vous jusqu'à 2h. Et puis on va s'écouter le son d'Avicii maintenant sur Fun Radio. C'est Wake Me Up. Bonne soirée tout le monde. Feeling my way through the darkness. Allez, bienvenue sur Fun Radio. Et puis si vous voulez prendre le contrôle, un seul numéro, n'hésitez pas. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et dans un instant sur Fun Radio, je vous cale aussi Carolina Marquez. Voilà, ce Racing la la la. Et puis je vous cale aussi Martin Garrix tout à l'heure là, restez bien sur Fun Radio. Voilà, tout ça, ça va arriver sur Fun, donc restez bien branchés sur Fun, on est là jusqu'à 2h du mat, vous venez prendre le contrôle évidemment, ça marche également sur le Facebook et sur le Twitter de l'émission, sans oublier Instagram, vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Et je rappelle qu'il y a sur la PS3 à gagner tout à l'heure un tirage au sort tout simple, jeu gratuit, il suffit simplement de venir faire un like, facebook.com/Mickaël officiel, vous faites un like sur la photo où il y a la PlayStation 3 là, et puis bah, si vous êtes tiré au sort, ce sera pour vous tout à l'heure. Il y a Clara qui dit aussi sur le Twitter, j'ai 16 ans comme le mec, je peux sortir avec des potes, pas trop tard, mais bon, du moment que ma mère sait où je suis, ça va. Cool. Bah oui, là, ça va, c'est plutôt cool, ouais. Hein. N'est-ce pas, Antoine? C'est plutôt cool, là, t'aimerais bien avoir ça, toi, Antoine, Alexis. Ah ouais, mais bon, voilà. C'est mais tu l'as pas. Eh bah, tu l'as pas, effectivement, et c'est dommage. Bon, et écoute, et t'as déjà essayé de négocier un peu avec tes vieux? Ouais, bah j'essaye. Des fois, des potes qui viennent m'aider et tout, vont essayer de négocier pour sortir, mais bon, que dalle. D'accord. Bon, il y a Antoine aussi qui dit. Ouais, on peut s'appeler peut-être tes parents, hein, c'est pas un problème. Hein. Ils sont debout, ouais, là ? Ils dorment déjà, je pense. Non, t'es sérieux, à 23h ? Il va être interdit à vie de sortir. Non, mais on est premier sur les parents là, t'inquiète pas, on va gérer nous. Quand il aura 40 ans, il sera encore. Remonte dans ta chambre. Et va tailler la haie. Tu nous as fait passer avec les autres là. Tiens. Exactement, ouais. Il y a Antoine qui dit je connais un pote le même âge qui peut pas sortir non plus le jour, il doit réviser H24 alors qu'il a quand même des bonnes notes. Et c'est pour qu'il en ait pas des mauvaises justement. Et bah ouais. Voilà, il y a Harmony qui dit c'est parti pour 3 heures de délire sur Fun là, je kiffe l'émission. Merci Harmony. Petit Panda aussi qui est là, qui dit ça va être dur pour moi de tenir jusqu'à 2 heures, je vais essayer pour vous mes chouchous. Ah, c'est gentil. Déjà qu'elle devait nous ramener du gâteau, elle est non, pas venue. Non, elle a dit qu'elle apporterait ça dimanche. Ah, voilà, dimanche. Il y a Morgane aussi qui dit heureusement que t'es là. Simer, Mickaël, bah, Doria, Morgane avec plaisir. Aubin aussi, non, c'est Anis ou Aubin. J'imagine que c'est Anis le prénom. Sur Facebook, trop bon Mickaël, No Limit. Et trop bon le Avicii que vous venez de passer. Merci. Adrien aussi qui dit mortel l'émission. Mickaël, c'est le kiff. Et alors, Swagilov qui dit moi, ma mère est relou. Je lui fais la misère. Bah, je suis pas sûr que ce soit non plus la bonne solution hein, pour essayer de trouver une solution, justement. Mais bon, à voir. Il y a aussi Titi là qui vient de dire, je confirme, tu follow back sur les réseaux sociaux. Bah oui, Titi, genre tu m'as pas cru, à un moment j'ai qu'une parole. Nadia qui dit, lorsque Mickaël sera en top tweet, je fais ce que tu veux, ah. Mickaël. Ouais, ça va, je sais pas, mais ça va être encore comme Aurélien qu'on va récupérer dans un instant là, qui nous avait promis ça hier et apparemment il a eu des emmerdes. On va voir, on va en parler en tout cas. Gaylord qui dit, si tu écoutes pas Mickaël, c'est que t'as raté ta vie. Merci Gaylord, ouais. Et puis Amandine qui dit, je connais votre émission que depuis hier et j'avoue que j'ai jamais autant rigolé en écoutant des inconnus. Eh bah écoute, Amandine, sois la bienvenue. Tu vas voir qu'on va pas rester inconnu très longtemps. Alors il y a Polo là. Polo qui joue du pipeau. Voilà, Tof que je brûle au lance-flamme tous les soirs. Hein, ça sale gueule. Bientôt il ne restera plus rien. Voilà, c'est ça, il est complètement cramé, il est venu noir en fait, tout simplement. Ça va être le mec sans tête qui va venir là. Bah oui, oui. Et donc du coup, bah Alexis, on va te récupérer dans un instant. Avant ça, on va prendre Aurélien. Hey, Aurélien. Ouais. Comme t'as 15 balais toi de Vendée là, est-ce que t'as le même problème qu'Alexis avec les parents? Ouais, ma mère, elle est toujours relou, elle veut toujours savoir où je suis, elle m'appelle presque toutes les heures, ça me casse les couilles. Ah bah, perds ton téléphone. Bah non. Non, bah, attends, non. Comme ça au moins t'es tranquille, elle t'appellera pas tout le temps. En même temps, tu fais des conneries, donc c'est normal. Oui. Quelle idée de se mettre à poil aussi dans la rue? Bah... Bon alors bon. Pour remettre les choses au clair, donc Aurélien nous a envoyé un message hier sur Twitter en faisant le malin, hein, c'est ça? Il faisait oui, le malin. Il se la racontait, c'est ça Aurélien, ah. Tu te la racontais, hein? Bah allez, oui. Ouais, voilà. Tu l'as raconté. Et donc allez, du coup, oui. Ah bah oui, on va dire oui. Et donc du coup, tu as dit hein, ouvertement en public, oui. Tous les auditeurs, tous les tweetos la peuvent voir hein, que effectivement, t'as dit si vous êtes en hashtag ce soir, le hashtag est Mickaël et top tweet, eh ben je me mets à poil dans la rue et je fais la promo de l'émission. C'est ce que tu nous as dit. T'as dit hier soir, ah bah oui, mais c'est trop tard, je peux pas, je peux plus, ouais, ça va pas, ma mère a entendu, ça va gueuler. Ouais. Donc du coup, on t'a dit, eh ben fais-le demain, d'accord? Oui. Donc tu l'as fait, il s'est passé quoi? Ben en fait, je l'ai fait dans une rue, puis ben comme par hasard, je tombe sur les flics municipaux. C'est bon ça! Ah. Oh la classe! Ah t'as été au top là! Ah t'as été au top et alors c'est la police monsieur, vos papiers. Il s'est passé quoi avec la police? Ben ils m'ont embarqué à leur commissariat, puis ben ma mère elle est venue me chercher. Mais oh là là. C'est bon. Mes coordonnées. Oh putain. Quelle loose. Oh c'est bon ça. T'as pas de preuves? Oui. Oh, c'est pas la CNR de la police municipale en Vendée, hein, vous inquiétez pas. Bah ouais, et donc du coup ta mère elle est arrivée. En plus elle avait dit non hier. Toi t'as quand même fait ta tête de cochon toi. Ouais mais j'avais quand même un slip mais ils m'ont quand même embarqué. Hein. T'as fait une vidéo non? Ben non j'ai pas pu parce que en fait quand j'allais commencer à tourner ils sont venus. Oh là là Aurélien là t'as foiré. Encore ouais. T'aurais eu la vidéo, on aurait eu une preuve, on aurait pu t'offrir un putain de cadeau mais là. T'as pas la preuve t'as pas le papier de la police? Ouais, t'as reçu un papier, ils ont dû te filer un papier. Non, ils m'ont rien donné, ils ont juste pris mes coordonnées puis ils m'ont laissé repartir. Ah bon? Ah bon bah c'est quoi ouais. Le numéro du commissariat, on va ouais, les appeler on va là. Appeler. Non. Ah si, bah si. Non. Attends, si, on va appeler le commissariat. C'est dans quelle ville? Les Sables. Ah, c'est dans les Sables d'Olonne. Non, appelle pas, non, parce qu'après j'ai encore des emmerdes et tout ça, non. Alors, mais non, mais après nous, mais attends, t'inquiète pas, Sandro, j'ai le numéro. Ah bah on appelle. Attends, on va demander aux auditeurs. Est-ce que vous voulez qu'on appelle le commissariat pour vérifier si Aurélien nous raconte pas des conneries? Bon, mettez-nous. Il a raccroché. Mettez-nous le hashtag Mickaël sur Twitter. Et ouais, et il apprendra que la prochaine fois. Il faut mieux fermer sa gueule, effectivement. Comme dirait un autre. Donc si vous voulez qu'on appelle le commissariat au Sable d'Olonne pour voir si Aurélien nous s'est pas un peu foutu de notre gueule ou pas, ça se trouve il a vraiment été arrêté. Et à ce moment-là, si le flic nous dit effectivement, on a arrêté un jeune en calbute, on lui offre le cadeau, il n'y a pas de problème, moi j'ai qu'une parole. Ça se trouve, il a peur de se faire défoncer par sa mère derrière. Hein. Ouais. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils vont pas l'appeler pour lui taper un scandale derrière. Hein. Mais non, mais on va juste dire qu'on est des. Voilà, enfin, déjà, voilà. Non. On est tu des sais journalistes quoi et on s'informe. Pas voilà. Du tout, pas du tout. Je vais les appeler, si jamais c'est vrai, et s'ils me disent effectivement qu'il a fait une connerie, je vais leur dire que c'est Toff qui a voulu, que c'est voilà. À la radio, que c'est fin radio, et que Toff, ici, qui peut venir chercher 20 rue Bayard à menotter s'ils veulent, qui est à l'origine de tout ces problèmes, ouais. Voilà. Hein je n'accepte que si c'est une flic qui vient me chercher. Une fliquette, une gendarmette, c'est ça. Ouais. Qui vient avec sa grosse matraque. Mais arrête un peu ton cinéma, tu sais quoi eh. Ça c'est la vraie flic, les vrais flics qui viennent, et pour, toi, et pour toi ça va être ça. Voilà. Ils vont venir chercher avec une sirène en bois là, tu vas voir. On va dire les flics Playmobil. Ouais, mais c'est ça, exactement, les flics Playmobil. Donc dites-nous si vous voulez qu'on appelle. Ah, attendez, je vais mettre le poste directement là. Attendez, alors voilà. Dites-nous si vous voulez qu'on appelle le commissariat. Hein. C'est où le commissariat encore? On s'en fout. Au Sable d'Olonne. C'est la police municipale. Hein. Le commissariat au Sable pour vérifier si Aurélien se fout pas de ma gueule. Ouais, c'est ça. C'est bien fait, arrêté. Voilà. Alors, donc dites-nous, hein, tout simplement, Facebook, Twitter, vous balancez votre message dès maintenant, évidemment. Facebook et Twitter, vous tapez Mickaël officiel, évidemment, sur le Facebook, pareil sur le Twitter. Et vous venez nous dire, tout simplement, si vous voulez qu'on appelle, oui ou non, le commissariat avant minuit, là, pour ce petit renseignement, voir est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il se fout de nous, est-ce qu'il se fout pas de nous. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexis? Tu crois qu'il se fout de notre gueule ou pas? Légèrement, ouais. Attends, tu penses qu'il se fout de notre gueule? Bah non, comme parce ça, toi. Qu'il a quand même raccroché, quoi. Bah justement. Mais je pense qu'il avait peur. Ou alors, soit il avait peur, mais il risque rien, puisqu'après on va dire à la police que c'est de notre faute. Ouais, donc il n'y a pas de problème. Soit effectivement, il s'est foutu de nous et voilà. Mais c'est possible. Même. Et ce ne serait pas grave. Hein, on va pas t'en vouloir pour ça, Aurélien. Bon, il y a un message de Benjamin qui dit il a vraiment pas de chance, il finit au poste, il faut qu'il recommence demain. Bah ouais. Petit panda qui dit on a une preuve qu'il a bien fait. Bah justement, c'est pour ça que j'avais proposé d'appeler les flics. Je pense que c'est un mytho, Mickaël, c'est Prisme qui vient d'arriver. C'est nouvelle, ça, Prisme. Je t'avais pas encore vu là sur le Twitter. Sois la bienvenue. Esteban aussi qui dit oui, il faut appeler. Vite, il aura le seum si c'est vrai. Il y a Romu aussi qui dit il l'a pas fait parce qu'il a raccroché. Bah, je sais pas. Christopher qui dit on n'entend plus les mignons. Bah, bien sûr qu'ils sont là, les mignons là. Quoi? Évidemment, et vous êtes encore là, il n'y a pas de problème. Hein. Ah bah, va te faire foutre. Bon, il y a Anaïs aussi qui dit ça sent le mytho là, aucune preuve. On peut en douter en tout cas. Et puis Benjamin qui dit il a vraiment pas de bol le gars. Bah, je l'avais déjà lu le message. Très bien. Et puis un message de Jean Bernard qui dit go appeler et vous lui offrez une PS4. Bah, je veux bien, mais encore faut-il qu'elle soit sortie la PS4. Parce qu'il y en a plein qui disent ouais. T'offres une PS3, pourquoi t'offres pas la 4? Comment vous expliquer qu'elle n'est pas sortie? Je ne travaille pas et que je n'ai aucune connaissance dans les usines de Sony, donc compliqué un peu de l'offrir. Hein. Et Blaze aussi qui dit on veut du lance-flamme dans la gueule de Toff, ou alors tu lui mets un coup de pelle, on t'aime quand même, Toff. Écoute, si tu veux. J'avais pas l'impression à entendre ça. Voilà. Bah, ça me paraît pas mal. Une pelle, mec, tu crois que j'ai une pelle? On est dans une radio, on n'est pas la ferme. Non mais c'est vrai, j'ai pas de pelle sous la main. Non, parce qu'il y avait ça. Ah bah oui, pelle, bah ils veulent une pelle, ils veulent une pelle. Il nous dit le mec qui a une mitrailleuse, un lance-flamme. Non mais ça c'est normal, on en a tous. Bah oui, attends, et qui a pas un lance-flamme. Pardon. Il fait le malin. Ouais. Il fait le malin. Ouais. Attention à la dernière, la plus violente. Aïe. C'est pour terminer avec sa gueule toute noire avec un peu de fumée, c'est qui sort, trous, qui sort là, du y crâne. Il y a des petits morceaux partout. Bah exactement. Ouais. Bon, on va appeler Alexis. Tu veux qu'on appelle le commissariat, toi? Alexis. Il y a la baronne derrière, je crois. Ah, il y a la mère. J'ai entendu ça. Après le tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas téléphoner après 23h. Putain, chose maintenant. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas boire. Bon, on va le récupérer dans un instant. On va prendre Robert et Kevin qui voulaient réagir. À Alexis, là, vous êtes là tous les deux, là, Robert, Kevin. Allô. Ça va, les gars? Allô, bon, Robert de Paris, Kevin d'Orléans, là, vous voulez qu'on appelle le commissariat dans un instant pour vérifier si Aurélien s'est foutu de notre gueule ou pas? Ouais, je veux. Ouais, très bien. C'est mytho, ce qu'il dit. Bah, je me doutais aussi un peu, on va essayer de l'appeler dans un petit instant, là. Bah, bouge pas, Robert, bouge pas, Kevin. On va prendre aussi Fred dans un instant, là, pour faire la colle de soir. T'es déjà là, Fred? Ouais, ouais, je suis là, tranquille. Ça va bien? Tranquille. Ouais, tranquille. Bon, t'appelles de Lyon, toi, ouais. 69. En forme, ouais, à Lyon, là? 69 représente. Bah, exactement. Bon, on va faire la colle dans un instant, là. T'es prêt avec ta colle? Ouais, tranquille. Bon, on fait ça après Caroline Marquez et Sing La La La sur Fun. Tu restes là, Fred. Et vous êtes les bienvenus, on est jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Bonne soirée. Allez, c'est Fun Radio, la bonne soirée tout le monde. Caroline Marquez à l'instant, c'est Sing La La La. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Bah oui, il n'y a qu'un seul numéro à composer là et vous arrivez directement au standard. Alors profitez-en, il y a Sandro qui décroche évidemment. Plein de messages aussi de Laura notamment là, qui dit trop bien fun là. Continuez comme ça, je vous adore. Merci Laura et sois la bienvenue. Anthony aussi qui dit je vous écoute tous les jours. Je vous kiffe trop. Emmanuel, un petit follow s'il vous plaît. Oui, appelez le comico. Ah oui, des sables d'Olonne, on va les faire dans un instant, Anthony là. Et Maxence qui dit oui, il faut que Mickaël appelle au commissariat. Léa aussi qui dit Mickaël, tu me fais marrer tous les soirs, j'aurais passé une dédiée à mon père, c'est son anniversaire, je t'aime papa. Oh, toi t'as des trucs à te faire pardonner, Léa, à mon avis. Hein. Bon, genre je m'appelle Jonathan, mes parents aussi m'empêchent de sortir. J'ai passé l'été à faire des matchs, j'ai 17 ans, j'ai tout essayé, mais rien n'y fait. Alex, il est trop génial votre émission, vous m'avez manqué ce week-end. Bah, on était là hier, hein, 20h minuit, hein, tous les dimanches soir, et je suis content que vous avez pas vendu le pipeau. T'inquiète pas, on l'a pas vendu, pas pour l'instant en tout cas. Et Arnaud qui dit oui, à mort qu'on soit plié en quatre comme la dernière fois avec le 118-218. Alors bonne nouvelle, on va voir aussi toute l'équipe là, tout à l'heure, toute l'équipe d'auditeurs qu'on a eu hier soir à 23h45 pour la suite de l'histoire avec Laetitia. Il y a de Gamer Flogs aussi qui dit Mickaël, hashtag Mickaël, tof, puis-je t'enculer, te perforer, t'éclater. Attends une seconde, faut que je mette le marteau piqueur, parce que ça j'ai. Hein. Te perforer, t'éclater, t'exploser, te perforer, te détruire et t'endommager avec l'anus avec un bâton. Amusement fanatique. Mais évidemment, avec plaisir. Alors, si tu veux, j'ai un marteau tout court. Hein. J'ai rêvé de ça toute la nuit. Oh, ah bah voilà, violence. Tu vois. Mais quelle violence. C'est ça, c'est bien, c'est classe. Mais qui parle? Ouais. Bon, j'avais pas de pelle, mais j'ai un marteau piqueur. Hein. Des fois que... Eh vas-y là. Dis donc, gueule, on va lui péter la tronche. Attends, ça tient encore un peu là. Défonce le côté là. Eh, qu'on a le cœur que la grue là. Voilà. Eh, encore là, encore. Attends. Bah je pense que c'est bon là, non? Fais voir. Ah là, il reste de la merde là. Enlève-moi. Ah oui, ça, effectivement, ouais, attends. Regarde-moi cette gueule de merde. Ah c'est bon là, c'est bon. Parfait, très bien là. Ah bah il est refait là. Ah bah là il est complètement refait, tu vois, on lui a fait le ravalement de façade. Je suis BG ou pas? Deux. Après. Ah BG, oui. Je croyais que t'étais. Je suis obligé. BG, non, alors attends un peu. Là ça va. C'est pas mal là. Ah là c'est mieux hein. Ah ouais, je sais pas ce que vous en pensez, vous êtes derrière la radio, ça va mieux ou pas? J'ai l'impression que j'ai plus trop dedans quand même. Alors attends une seconde, je vais rajouter ça sur le cul là. Voilà. Ah bah là, oui. Là ça va mieux là. Non là il est mieux, Polo, qu'est-ce que t'en penses? Oui, il a du mal à parler quand même. Hein? Faut voir. Il est con. Non moi je trouve qu'il est vachement mieux comme ça là. Il est mieux, ouais. Attends, il reste encore un truc là. Hop, ah, voilà. Bah, c'est pas mal là. Là on est bien là, on frôle la perfection. Je pense qu'un petit coup de marteau piqueur là sur tu la crois droite. Ouais, et puis on l'a. Ah là. Là c'est pas mal là. Attends hein. C'est bon là, ça tremble un petit peu là avec le marteau piqueur. Voilà, c'est bon là. Voilà, on corrige là pour te tout tenir. Voilà. Parfait. C'est parfait. On l'a photoshopé. On l'a photoshopé mais sans Photoshop. Ça coûte trop cher, alors on a préféré acheter un marteau piqueur. Ah bah oui. Et un lance-flamme. Ah non, c'est cher le truc de. C'est non, vraiment. Oui, parce qu'il s'est renseigné vraiment pour. Bah évidemment. Dylan qui dit vous gérez trop les gars. Bah merci Dylan et sois le bienvenu. Préviens tes potes également, hein, qu'on est là tous les soirs, hein, du lundi au jeudi, 23h-2h. Et le dimanche de 20h à minuit sur Fun. Il y a Louis qui dit appelez si c'est vrai, on va se marrer. Et si c'est pas vrai aussi d'ailleurs, hein. Let's Build Flux qui dit on est dans une radio, j'ai pas de pelle, on n'est pas à la ferme, mort de rire. Bah c'est vrai, on n'est pas à la ferme. Ah oui. Pour le coup, hein, j'ai pas de pelle moi ici. Gabriel qui dit avec vos conneries de marteau piqueur, j'ai enlevé le casque un petit moment pour mes oreilles. Oh là là, tout de suite. Nous, on est dans toute la journée, on fait ça nous là. Et puis Laura qui dit trop bien, l'émission continue comme ça, bah, c'est gentil. Que des gentils messages, c'est gentil, ça fait plaisir. Et Kikira qui dit c'est possible d'avoir une photo dédicacée. Alors on les a pas encore, elle devrait arriver normalement d'ici pas trop longtemps en théorie. Bon, alors, maintenant qu'on a refait la gueule de Toff. Je suis trop beau. Hey, mais là, il est vachement mieux. Est-ce que tu trouves pas qu'il est plus beau, Fred? Hein? Hein? Est-ce que tu trouves pas que Toff est plus beau depuis qu'on lui a refait la tronche? Ah bah, il s'est amélioré comme ça. Ah, t'as vu, toi aussi, tu trouves, hein? Merci, Fred. Pareil. Ça te dérange pas, toi, ce côté un peu de travers encore sur la droite du visage, non? Bah, après, ça l'améliore. Ouais, mais bon. Est-ce qu'on le façonne encore un coup? Est-ce qu'on remet encore un petit... Un petit coup, ouais, allez. Un petit coup, plus. Attends. Allez. Voilà. C'est pas mal, là. Là, c'est bien, là. Là, ça s'est mieux arrangé. Ah, t'as vu, hein, toi aussi, frère. Ouais. Bon, très bien. Donc, je vais quand même demander l'avis de Grégory qui est avec nous, là. Salut, Greg. Salut, Jean. Tu trouves aussi que la gueule de Toff est meilleure comme ça, elle est plus belle depuis qu'on lui a un peu... On l'a remis droit, quoi. Ah, ouais. C'est mieux, hein. Ouais, je trouve aussi, je trouve aussi. Bah voilà, comme ça finalement. Peut-être qu'avec ça tu vas pécho, Toff, tu peux pas savoir. Hein. Bah ouais, ah ouais, j'ai un peu de doute. Bah ouais, non, franchement, en plus tu parles mieux et tout, non, vraiment c'est bien. Et oui, il y a Susanna Svetlana également là, qui nous vient des pays de l'Est, a priori. A priori, hein. J'aime qui les dit, ouais, qui vous êtes trop fort, content de vous avoir retrouvé sur Fun. Bah écoute, nous aussi, Susanna, on est content de t'avoir retrouvé. Et Marie qui dit, pauvre mec, mort de rire, il en prend plein la tronche. Oh, t'inquiète pas, va. On ne fait que défendre la cause féminine, s'est foutu de leur gueule pendant des mois et des années. Jamais. Et ouais, c'est ça, ouais. Même ça, tu mens, tu vois. Bon, alors, Fred, on va se faire la colle, t'es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais. Bon, bah alors, parfait, on y va, c'est parti. Alors, la colle de ce soir, donc, pour repartir avec les packs fun, là, vas-y, Fred, on t'écoute. Alors, quelle est la différence entre une belle-mère et du chocolat? Quelle est la différence entre une belle-mère et du chocolat? Je sais pas, quelle est la différence entre une belle-mère et du chocolat? Ouais, j'ai eu la voix qui tremblait un peu, c'est oui, parce oui, que ça j'ai encore les effets du marteau piqueur dans les bras. Et c'est franchement ça vibre. Ah bah ça vibre complètement, c'est clair. Bon, si vous avez la bonne réponse et si vous voulez repartir avec les cadeaux faciles, vous devez simplement envoyer Mickaël par SMS maintenant au 64 900 et pour la Belgique au 30 au 63 22 pardon, je me gourre. Donc Mickaël et la réponse au 64 900 et au 63 22 pour la Belgique. Alors répète la colle, Fred. Alors, quelle est la différence entre une belle-mère et du chocolat? Très bien. Bon, bah écoute, on en parle dans un instant. J'espère que des auditeurs vont trouver, hein, malgré toi, évidemment. Donc, si vous trouvez la bonne réponse et que vous êtes appelé en direct sur Fun, vous gagnez. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ou alors vous l'avez, mais vous êtes appelé et que vous ne décrochez pas, à ce moment-là, c'est Fred qui gagne. Fred, eh ben écoute, il n'y a plus qu'à espérer, hein. Bah on espère, on verra. Bah c'est ça, écoute, je te souhaite quand même bonne chance, Fred, à tout à l'heure, hein. Ouais, t'inquiète. Allez, à tout à l'heure. Bon, quelle est la différence entre une belle-mère et du chocolat? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout simplement votre réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Bon, dans un instant, avant d'écouter Martin Garrix, on va récupérer notre ami, Marvin qui voulait qu'on appelle les flics là. Allô, t'es là, Marvin? Ouais, allô. Ça va, Marvin de Grenoble? Ouais, ça va. Bon, alors tu veux qu'on appelle les flics, toi? Ouais, je suis pour, ouais. Toi, tu penses qu'il a raconté des conneries? Ouais, je pense qu'il a raconté des conneries. Ah, très bien. Donc Aurélien qui nous avait dit hier soir qu'il allait faire de la pub pour l'émission tout nu dans la rue en gueulant si on était top tweet. On a été top tweet pendant un petit bout de temps d'ailleurs hier soir. Et donc du coup, il l'a fait aujourd'hui la promo, sauf que apparemment il s'est fait arrêter par les flics, sa mère a dû aller le chercher. Et depuis qu'on lui a dit qu'on allait essayer d'appeler le commissariat, il a raccroché. Donc... Bah c'est con parce que si jamais c'est vrai, je vais essayer de le défendre auprès de la police évidemment. En plus on a notre avocat, Maître Peters, qui est avec nous, qui pourra négocier, comme vous dites, non, c'est pas ça? Oui, faire le négoce. Ouais, voilà, c'est ça. Avec le policier. Oui. Voilà, oui, c'est oui. Ça. Bon, alors du coup, on va essayer ça. Dit bonsoir hein. De toi. Non, vous n'avez pas dit bonsoir, Maître Peters, qui est donc l'avocat de l'émission, faut le savoir. Du bonsoir. Voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes avec la justice et qu'on perd souvent. Mais enfin, c'est un autre problème. Bon, ben Marvin, reste avec toi. Tu vas rester là pendant qu'on appelle les flics, d'accord? Nice. Pourtant, bon. je fais tout le possible de moi. Ah ben, je n'en doute pas, Maître Peters, j'en doute pas. Bon, on va revenir aussi dans un instant donc avec Fred et la colle. On va revenir avec Grégory là qui se masturbe 10 fois par jour. Et on va revenir aussi avec Alexis et les parents qui le laissent pas sortir. On fait ça dans un instant sur Fun Radio. Je vous l'ai promis. Eh ben, il va arriver. Le son de Martin Garrix sur Fun Radio. Voilà, Martin Garrix, ça va débarquer dans un instant sur Fun Radio, c'est Animals. Et puis, venez prendre le contrôle de Fun, hein, on est là en direct sur Fun Radio, là, tous les soirs jusqu'à 2h du mat, tous les soirs de la semaine. Vous venez prendre le contrôle maintenant sur Fun. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Sur Fun Radio. 23h, 2h. Test down. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio tous les soirs dans toute la France. Bienvenue si vous arrivez, 23h45, on est en direct jusqu'à 2h du mat. Et donc si vous voulez venir éventuellement passer vos messages et prendre le contrôle de la radio, n'hésitez pas, on est là, on vous attend. 01 42 48 5000 où vous soyez en France, allez-y, par SMS également. Débutez votre message par MIKL et vous envoyez le tout au 64 900. Et puis plein de messages également qui sont arrivés. Doit-on appeler le commissariat au Sable d'Olonne? Oui. Et c'est la question qu'on se pose puisque c'est Aurélien, donc un auditeur, qui nous avait dit ouais je vais vous faire la pub tout nu dans la rue si vous êtes Si vous êtes en top tweet, désolé, jeune Bordeaux. Si vous êtes en top tweet sur Twitter, donc ça s'est passé hier et puis il a fait la pub, mais soi-disant il a pas fini en prison, mais au commissariat, sa mère a dû aller chercher. Enfin bref, donc j'ai proposé d'appeler le commissariat pour vérifier. Donc on verra dans un instant si on appelle ou pas le commissariat. Et venez également nous follower sur Twitter. Je vous fais un follow back promis. Vous tapez Mickaël officiel sur Twitter. On écoute Martin Garrix maintenant. C'est Animals sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée sur Fun, Martin Garrix avec Animals, c'est Mickaël No Limit, on est en direct avec le Nadia qui a envoyé un message qui dit je pense que le commissariat des Sables d'Olonne va être stupéfait de l'appel car ça sent le mytho, bah ouais. Il y a Florian aussi qui dit s'il te plaît un coup de pipeau là, de polo. Ah ouais. Bon ouais, j'y vais. Ouais. Parce que vous êtes cool et je vous aime. Bon. Allez. T'es prêt? Attends. 3. C'est bon. Faut que je respire parce que tout est dans le poumon en fait. Ouais. Le poumon droit. C'est vrai. 3, 4. Quel talent. Merci. Comme d'habitude, quel talent. Bravo. Et alors, bravo, je devais vous faire aussi. Écouter également, c'est Christopher, un auditeur sur Twitter, qui nous a mis, il a repris son pipeau à lui, et il a refait le ton air en fait, hein, donc c'est un peu du plagiat. Ah, mais je vais prendre des... Maître Peter, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, là, contre du plagiat? Est-ce qu'on peut porter plainte, aller au tribunal ou pas? Bien sûr, il faut faire d'abord le constater. Hein? Enfin, il faut se rendre avec le compte que c'est presque le même et que c'est du faux. D'accord. Ah, bon, on va quand même écouter pour être sûr que ce soit bien le même quand même. Donc ça c'est l'auditeur. Alors, on voit évidemment que ce n'est pas du tout la même chose au final. On sent que c'est pas du vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors Polo, refais-le quand même. Attends, ça va quand même bien. 3, 4. Voilà, et la version qui vient de Tunisie. Donc on sent que c'est du faux, hein. C'est pas dans le... On peut porter plainte ou pas, Maître Peter? Oui, je pense que c'est dans le passible de beaucoup du sous, hein. Quoi? Enfin, tu peux gagner du pognon. Ah, d'accord, ok. Voilà, on parlait comme ça, c'est mieux. Ah bah très bien, parfait. Donc je prends notre Baptiste qui dit vous déchirez. Merci. Théo qui dit la meilleure libre antenne de la bande FM. Mickaël, merci. Merci Théo. Léa qui dit aussi elle veut moi dodo, mais moi pas vouloir moi écouter radio. Heureusement que c'est bientôt la rentrée, tu vas pouvoir prendre des cours de français. Là. Ah ouais, c'est mieux. Ouais. DJ Kylian aussi sur Twitter qui dit on passe quand même de pure soirée grâce à vous. Merci DJ Kylian et puis Thibaut aussi qui dit yo l'équipe. J'écoute depuis quelques jours et à chaque fois que je me tape des barres de rire, faut appeler. Bah on va appeler alors, c'est parti, on y va. Ouais. S'il lui reste une barre de rire qui peut l'aider, on va la mettre dans la gueule à Toff. Ah, c'est pas mal ça, tiens. On va la mettre dans sa gueule. Avec un peu de lance-flamme encore une fois, tiens. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on y va. On appelle. Ah non, merde, attends, on va au Sable d'Olonne. Pardon, je me suis gouré avec mon son là, c'était pas le réveil du tout. Bon, allez, hop, on y va, on va appeler les Sables d'Olonne là maintenant, là. Il est toujours avec nous, Alexis là, toujours là. Ouais. Très bien, parfait. Donc on va vérifier si effectivement, oui ou non, Aurélien s'est foutu de nous, direction le commissariat des Sables d'Olonne. C'est chaud. Ben oui, donc c'est Aurélien, c'est ça. Donc il a dit que c'était ce matin? Ouais, il a dit que c'était ce matin, ouais. Ah d'accord, ok. Bienvenue. Bonjour, vous avez demandé le commissariat de police des Sables d'Olonne. C'était N'hésitez pas. Allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est le commissariat? Oui. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, c'est Mickaël, vous êtes en direct sur Fun Radio. Et je vous appelle parce qu'il y a un auditeur à nous qui a dit qu'il s'est fait arrêter aujourd'hui, un Aurélien, parce qu'il faisait de la promo pour l'émission de radio tout nu dans la rue. Je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Attendez, la main courante. Oui, donc vous êtes en direct sur Fun Radio, la radio. Oui. Voilà, et en fait on a un auditeur qui nous a dit aujourd'hui qu'il s'était fait arrêter ce matin par vous, un collègue, je sais pas. Parce que apparemment par la police municipale, parce qu'il faisait de la pub pour l'émission tout nu dans la rue, enfin en caleçon. Et on voulait juste vérifier si c'était vrai ou s'il se foutait de nous. Voilà. Non, on donne pas d'informations, je sais, mais enfin juste nous dire si oui ou non, bon après. Peut-être. Bah peut-être. Mais alors. Peut-être genre avec un petit sourire comme ça en coin ou pas? Ah, on fait comme si votre chef il a rien entendu. Vous me faites, répondez-moi 12 si c'est vrai. Pas du tout. Ah donc c'est pas vrai. Très bien. Ok d'accord. C'est faux. Donc c'est faux. Très bien. Bah, merci monsieur l'agent. Aucune idée en fait. Ah vous ne savez pas. Bon bah voilà. Très bien. Alors mais merci. Au revoir la police. Au revoir. Merci beaucoup. Vous me faites un petit sourire en coin. J'ai essayé avec le code 12, ça n'a pas marché. Mais là parce que c'était au parleur. Ouais. Ah oui, merde, bah oui, putain, je suis niqué avec ça, tiens. Ah là là. Bon, a priori, c'est faux quand même, hein. Mais oui, ils savent pas en fait, ils ont pas le relais du matin, eux, c'est l'équipe du soir. Ouais, ils ont pas le relais, mais, si, mais c'est la... bon, attends, un mec alors qui se fait arrêter tout seul. Qui regarde dans le cahier des charges. Mais oui, ils ont la main courante, ça s'appelle une main courante. Non, mais bah ouais, mais il veut pas, il veut pas donner d'infos là. Non, mais c'est la police municipale, là c'est le commissariat. Mais ouais, mais à Sorcy, ils dorment la police municipale là, non? Ah, je sais pas. Bon, on va essayer de trouver. Non, on a trouvé que ce numéro en fait. Si vous l'avez, vous. Ouais, si vous l'avez, allez-y, balancez-le. Si vous habitez Sable d'Olonne. Ouais, ouais, la police d'Olonne. Le sable d'Olonne. Voilà, c'est sable d'Olonne. C'est dans le nouvel endroit, c'est une nouvelle ville. Il y avait les sables d'Olonne, mais on s'est dit c'est un peu pourri. Hop, on va faire les sables d'Olonne. Ils ont tout cassé. Voilà, ils c'est ont ça. Fait ça à côté. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont fait la copie. C'est un peu comme le pipeau de Polo, là, celui-là, la version copie. Ah, bah tiens. Là quand même. Ouais, là il est pas terrible hein. Et la vraie version hein, Apollo 3 4. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, donc si vous avez le numéro de la police municipale au Sable d'Olonne, n'hésitez pas à nous transmettre. D'Olonne. Et d'Olonne, exactement. Oui. Sinon, c'est pas les mêmes. Pardon. Message aussi qui est arrivé, il y a Jonathan qui dit mais c'est quoi ce faux pipeau? Bah c'est Christopher hein, sur le Twitter qui nous en a fait un. Bon, ça va encore hein, il a bien essayé mais bon. Tu sais, c'est un peu comme les mecs qui commencent à faire de la guitare et quand ils commencent à faire de la guitare, en général, tu commences à jouer Metallica là, le slow Nothing Else Matters. Ouais, et alors, tu fais les trois premières notes là. Et t'es fier comme un coq. Je sais parce que je suis passé par là. Donc t'es fier comme un coq. Tu dis oh putain, je suis Kurt Cobain, ça va être la folie. Je vais faire une carrière de rocker. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Bah non. En fait, c'est une fois que tu vois que tu as parlé les quatre premières notes, t'arrives pas à aller plus loin, tu te dis. Pff, tant pis, je vais faire DJ. C'est relou la guitare. C'est plus facile, c'est avec le numérique et tout. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message où est-ce qu'il est? Jonathan qui dit dites 12, tu m'as tué. Bah ouais, mais c'était un coach, j'essayais comme je pouvais. Camille avec un K aussi sur Twitter qui dit il lui faut une flûte ténor, pas alto. Bah, on en parlait avec Polo. Oh, effectivement, c'est ce qu'il lui faut. Exactement. Il y a quoi aussi comme message là? Il y a Yunus qui dit je vous kiffe trop. Bah merci à toi. Et puis Kikiria qui dit du mytho, c'est obligé. C'est quand même bizarre tout ça. Je suis assez d'accord, c'est assez chelou. Hein. C'est très très bizarre et on mène l'enquête. C'est assez chelou en effet, mais enfin bon. Bon, Grégory. Ouais. Grégory qui est de retour avant de récupérer Jack dans un instant, avant de récupérer Alexis avec ses parents qui ne le laissent pas sortir. Greg, toi tu nous appelles pourquoi? Parce qu'en fait, je me pose des questions, je me masturbe assez souvent quoi, dans la journée. Ouais. Et pas pour savoir si. Mais qu'est-ce que t'appelles assez souvent? Parce que bon, après ça peut arriver même au meilleur, hein, c'est pas grave. Une dizaine de fois, c'est une moyenne, quoi. Ça peut tourner entre 6 et 10, quoi. Ah oui, c'est une belle moyenne. Hein, oh, ça va, 6 et 10, ça va. Et ça brûle pas, le zboub, là? Comme ça, en fin de journée, oui. Ah ouais. Sans blague. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, tu peux mettre un peu de crème, ouais. Ouais, non, mais 10 fois, t'es sérieux avec ça? Mais il n'y a plus rien qui doit sortir après 10 fois, là, non? Oh, un peu moins, oui, un peu moins ce que t'as vu. Ouais, t'as toujours... Ah bah oui, un peu moins. T'as toujours une petite goutte. Ouais, mais enfin bon, et maman, mec, 10 fois, t'es sérieux avec ça? Ah oui, moi ça m'arrive. Mais toi t'es hors catégorie, toi, on prend pas en compte. D'accord. Mais pourquoi tu fais ça 10 fois? C'est quoi ton le vrai kiff des 10 fois? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as envie 10 fois? Oui. Bah justement, je sais pas, je t'appelle pour ça, pour savoir si c'est normal ou pas. Demande à un mec qui fume, pourquoi il fume 10 fois? Ça n'a rien à voir, toi. Oh non, c'est pas pareil. Bien sûr que si, c'est mais pareil. Mais non, ça n'a rien à voir, je suis désolé. C'est un problème psychologique. Bon, mais pas combien du tout. Combien de fois vous le faites chez vous, tiens, justement, enfin chez vous ou ailleurs, mais peu importe, mais enfin sur vous, est-ce que vous masturbez déjà et combien de fois vous le faites par jour? On va essayer de faire établir une nouvelle moyenne. Donc dites-nous, facebook.com/michaelofficiel, Twitter également, hein, vous tapez Michael Officiel. Venez d'ailleurs nous faire un petit follow et je vous follow back derrière comme promis. D'ailleurs, je le fais, on va saluer les nouveaux qui viennent d'arriver là depuis. Début le début d'émission, vous êtes nombreux ce soir à être débarqués là, plus de 200 d'un coup, c'est cool, ça fait plaisir, soyez les bienvenus. Salut Skyzer, voilà, je te fais un follow. Salut Mama, je te fais un follow. Aurélien également, pareil, t'es followé, pareil. Corentin, Maomi, Belieber également, il y a Dorian, il y a Riftual, Christopher aussi là, hop là, ça y est, je viens de vous suivre également. Mod VN Vap également, Guillaume aussi, je viens de te suivre, il y a Hugo, Mélissa, Ophélie et tous les autres. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit follow sur le Twitter de l'émission, vous tapez MIKL officiel. Cela dit, si tu veux, j'ai un plan éventuellement, Grégory, pour toi, là, qui peut-être t'intéresser. Alors, ça se passe, c'est en Suisse, je crois que ça se passe là-bas. C'est à Zurich, où tu vois le McDrive? Ouais. Voilà, tu sais, quand tu vas avec ta voiture pour aller chercher un burger, tu t'arrêtes au drive. Et ben là, ils ont fait un truc similaire, mais pour les trucs de cul. C'est bon, ça? Ben ouais, t'as vu, c'est quand même pas mal. Donc genre tu viens et tu fais ta commande et t'es... Voilà, tu fais ta commande et puis t'es tranquille. Oh, c'est voilà. Bon ça, moi je vais essayer. Bah si tu veux, on peut essayer d'appeler à McDo ce soir si tu veux. Hein. McDo ou Quick, on va essayer d'appeler. Vas-y, on appelle. Bah écoute, on va appeler dans un instant, tiens, très bien. Bah tu restes avec nous Greg, on va revenir avec toi dans un instant. On va revenir avec Chris qui voulait faire la concurrence avec Polo au niveau de son pipo là. Très bien, on fait ça dans un instant pareil. Et puis on va s'écouter le son de Shana Paul maintenant sur Fun Radio. Other Side of Love. On appelle, t'as des numéros toi après là? Ouais, bon, on va chercher là. Right, parfait. Baby, you don't have to keep looking through my girl, you'd already know. Et bienvenue sur Fun Radio, c'était Sean Paul à l'instant avec Other Side of Love. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Ouais, venez prendre le contrôle justement, on est là sur Fun Radio et puis on est là jusqu'à. Bah, jusqu'à. On est bien quoi. On est jusqu'à 2h du mat minimum, exactement. On est débordé. Voilà, on est totalement débordé, effectivement. On aura Calvin Harris dans un instant également. Ah, Calvin Harris qui va débarquer sur Fun Radio sera I Need Your Love. Et je vous calerai aussi, comme promis, Robin Thicke. Voilà, Robin Thicke avec Blurred Lines, ça sera dans un instant sur Fun Radio. Allez, on va faire les petits appels là, vite fait, avant de récupérer, comme promis, tout le monde. Il y a du monde dans ce temps-là. Il y a Nadia, il y a Kevin, il y a Valentin, il y a Jack, il y a Alexis, il y a Chris également, il y a Grégory, il y a Fred. Vous êtes là tout le monde? Ouais. Hey, j'ai pas entendu Alexis, tu te fous de ma gueule Alexis, je t'ai pas entendu là. Si, si, moi je suis là. Ah ouais. Voilà, bon, recommencez tous ensemble. Vous êtes là tout le monde? Ouais. Parfait. Ouais, ouais. Bon bah très bien, bah vous allez encore un petit peu attendre. On va vous reprendre dans un petit instant là. Hop, je là. Vais faire une manif dans le standard. C'est ça, ils ouais, sont fous. Voilà, bon alors du coup on va appeler le McDo à Cassis. On nous a envoyé le numéro de téléphone du McDo à Cassis. Apparemment il y a un drive apparemment, a priori, donc on va essayer d'appeler. Bah écoute, on va essayer d'appeler maintenant, c'est parti, le concept est simple puisque en je Suisse. Je crois qu'on dit Cassis. Ah Cassis. Ah ouais. Cassis à mon avis. Oteng pour moi. Oteng pour moi. J'ai une amie à Cassis. Oui, bah tant non, mieux. C'est vrai. Bon, en même temps, salut d'ailleurs. Je suis belge, excusez-moi. Est-ce que tu lui as cassé les pattes? Si tu m'entends, Lauriane. Voilà. Bon, on y va, c'est parti, on appelle le McDo, puisque le concept, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à Zurich, en Suisse, il y avait un nouveau système de drive, mais c'est un drive au niveau des trucs de cul. Voilà, donc du coup, évidemment, vous connaissez Toff, il a voulu essayer d'appeler, hein, donc... Bah, évidemment, donc direction le McDo, c'est parti, on y va. Attends, une seconde, voilà. Parfait. Déjà, ça sonne. Je veux pas que j'aie le téléphone dans les McDo les couilles. Ah, ça sert à rien. Mais non, mais si. Ah non, mais si. Ah. McDonald's, c'est Sarah, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais la personne qui s'occupe du drive. Oui, je vous écoute. Oui, c'est vous? Oui. Oui, parce qu'en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà les nouveaux menus Happy Feast. Happy quoi? Happy Feast. Non. Ah, parce que j'ai vu qu'en Suisse, maintenant, il y avait moyen de prendre au drive pour avoir des petites faveurs sexuelles sur le parking. En Suisse, en fait. Ah non, pas ici. Ah non, donc vous faites pas le gangbang et la petite pipe? Non. Ah bon, bah je suis déçu. Hein. Mais peut-être que vous êtes disponible. Pour? Bah le gangbang et la petite pipe. Ah oui, d'accord, c'est une blague. Ah non, pas du tout, c'est très sérieux. Vous avez pas vu les informations? Non. Ah ben oui, parce qu'ils font ça en Suisse maintenant, alors je pensais qu'on le faisait déjà en France, mais a priori non. Non. Ah, mais du coup, comme je vous appelle, on peut peut-être s'arranger. Ben non, je suis désolé, on sait pas... Je passe au drive, je vous emmène sur le parking, et puis on s'arrange, quoi. Oui, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Bon, je peux passer vers quelle heure, alors, sans vous déranger? Non, je suis désolée, on est trop occupé. Oui, mais je peux venir quand il y a moins de monde, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est bon, ça va aller. Hein? Et puis vous verrez, j'ai une belle voiture, c'est tout confort. Oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, moi aussi j'en ai une belle voiture. Ah, en plus, bah si vous voulez, on peut essayer la vôtre alors. Non, non, c'est bon, ça va aller. Hein? Peut-être que la vôtre est plus grande, vous avez quoi, un monospace? Non, bah, monsieur, excusez-moi, j'ai du travail. Bah je comprends, mais c'était pour vous faire travailler, moi, que je vous appelais. Oui, mais non, c'est bon. Hein? Donc on s'arrange comment alors? Hein, un petit gangbang vite fait. Non, je suis désolé monsieur, j'ai du travail. Écoutez, 5 minutes. Je dois vous laisser. 5 minutes, on s'arrange sur le parking. Non, je vous laisse monsieur. Bah oui, mais enfin moi je vais être tout seul du coup. C'est pas grave. Bah si, attendez, moi je vous appelle pour profiter de votre nouveau menu et là je peux pas en profiter. Ah bah vous retournez en Suisse, non? Bah oui, mais c'était justement pour changer un peu. Ah bah oui, ben alors vous allez à Montauban. Ah, je vais à Montauban. À Montauban, alors ils vont au McDo de Montauban, ils vont s'occuper de moi? Ah, j'espère pour vous. Bon, ben j'appelle là-bas alors. Ça marche. Ah, c'est gentil, hein, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Allez, qu'on chope directement le numéro du McDo à Montauban, là, avant qu'il ferme. J'espère qu'il ferme pas à minuit. S'il ferme à une heure, on a de la chance. On va les appeler dans un instant, on va directement appeler à Montauban, ah oui, directement. Quand ils ferment, ils doivent être dans les bureaux. Ouais, ils vont pas décrocher. Moi, je te rappelle, vendredi, j'étais à la poste. Je devais déposer un colis. Il ferme à 17h. Je suis arrivé à 16h59 et 59 secondes. Ils étaient tous les trois derrière leur bureau, là. Le volet fermé, ils me regardaient. Et j'étais avec mon colis comme un con. Et c'est fermé, monsieur. Il faut revenir lundi. Hein. dans le cul. Hein. Ouais, Alvin qui dit je vais aller en Suisse, moi. Ah bah ouais, ça a l'air d'être pas mal, hein, Zurich. Hein. 26 sur le Twitter qui dit posez à écouter Mickaël. Première fois que je te vois, toi, 26. Bah écoute, sois le ou la bienvenue. Elliot qui dit les menus Happy Feast, tu es mort de rire. Ouais, ça peut être un bon plan. Hein. Eric aussi qui dit mort de rire, Toff, avec les menus Happy Feast. Ça m'a donné faim, tout ça. C'est DJ Kylian qui avait envoyé le message. Vous déchirez, vous êtes les meilleurs. Merci Cam du 63. Et Lucas aussi qui dit je me tape des branlettes 3-4 fois par jour. Ah bon ? Allez donc. Bah donc sympa effectivement, ouais, bon, on est quand même loin des 10 fois par jour. Hein. Et Léo aussi sur le Twitter qui dit c'est la première fois que je vous écoute et vous êtes trop marrant, je vous kiffe. Bah merci Léo et puis sois le bienvenu surtout. N'hésite pas à prévenir tes amis hein, s'ils écoutent d'autres radios qui viennent chez nous hein, tous les soirs. 23h, 2h sur Fun Radio et le dimanche de 20h à minuit. Fabio aussi qui dit est-ce que vous avez des happy fish, je voudrais le gangbang et la petite pipe, il m'a tué. Bon et on a le numéro là de Montauban là, c'est parti, on peut appeler maintenant direction le McDo de Montauban. Allez hop là, c'est parti, direction Montauban. C'est parti. Et promis, je vous prends prêt, hein, Nadia, Kevin, Valentin, Jack, Alexis, Chris, Grégory, Fred. Bonsoir, madame Albert, Sylvie, bonsoir. Oui, bonsoir, je voulais parler à la personne qui s'occupe du drive. Oui. Oui, parce qu'en fait, voilà, je voulais savoir si vous avez bien le nouveau menu Happy Feast. Le quoi? Le nouveau menu Happy Feast. Non, on fait pas ça, monsieur. Ah, vous faites pas le... Parce que, en fait, j'ai entendu qu'en Suisse, ils faisaient ça, et donc ouais, du coup... Ouais, nous, on fait pas ça, monsieur. Ah bon, mais vous pouvez peut-être m'arranger sur le parking. Comment? Non, je dis peut-être que vous pourriez m'arranger sur le parking quand même. Pas du tout, monsieur. Bah, juste une petite pipe, vite fait. Ah non, ça n'a pas l'air de... Elle peut pas t'arranger, là, apparemment. Bah, c'est déçu, dommage. Bon, on va le rappeler, on rappelle. Allez, hop, on rappelle. Si vous avez des numéros de petits restos, de genre des livreurs de nuit, tout ça, etc., donnez, on va les appeler après aussi. Bonsoir, madame Albert, Sylvie, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous savez, je suis pas difficile, hein. Moi, je veux dire, on peut s'arranger vite fait, hein. 5 minutes et c'est fait, hein. Vous savez que monsieur, que mon téléphone est envoyé directement à la gendarmerie si j'ai des soucis? D'accord, mais là, moi, je vous appelle donc, juste. Donc, vu ce que vous me dites, ça peut aller très loin, monsieur. Ben, vous donc, c'est pas le genre de choses qu'on fait dans nos locaux, donc si vous voulez aller en Suisse ou en Belgique, vous y allez. Mais moi, je veux pas aller très loin, madame. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Mais je veux juste sur le parking, ça me convient. Oh, attention, la police est là parce que tous les McDo sont évidemment mis sur écoute. Ouais, ils doivent se faire chier chez les flics quand même, t'imagines? À écouter tous les mecs. Oui, je voudrais commander un Big Mac. Ah, bah, très bien, Roger, là, c'est bon, tu peux le laisser tranquille, hein. Il ne fait que commander un Big Mac. Non, mais c'est un truc de ouf quand même. Il a volé une paille, vite! Et attention, on met direction la police, là, hop, là, on y va, tout le monde est. Monsieur, arrestation, là! Tous les flics directement, là, au taquet, t'imagines? Un truc. Non, mais attends, c'est un peu foutu de notre gueule quand même, hein. Et attention, là! Ah, et pour un Big Mac, il ça peut aller loin. Oh non! L'enculé! C'est bon. On est sauvés, c'est bon là. RAS, là on peut rentrer. Là. On peut y aller. Ouais. Bon, allez, on revient dans un instant sur Fun Radio. Promis, je vous prends tous. On va juste prendre Fred maintenant là pour la colle. Alors, allô, colle. Ouais, allô. Allô, Fred. Allô, colle. Ouais. Allez, colle, ça va bien, colle. Ouais, tranquille. Ouais. Bon, Fred. Je suis le Michael. Ouais, fais péter la colle là, justement ce soir. On est en retard, on devait faire la réponse à minuit normalement, mais c'est pas grave. Alors, quelle est la différence entre une belle-mère et du chocolat? Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, quelle est la différence entre une belle-mère et du chocolat? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël espace la réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort, je vous file les cadeaux dans quelques instants. Si vous avez la bonne réponse, si vous ne l'avez pas, ce sera Fred qui gagnera. Quelle est la différence entre une belle-mère et du chocolat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, allez hop, bonne chance pour la réponse. Et Mickaël est la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. A tout de suite, Fred, on donne la réponse dans moins de 10 minutes. Allez, à tout de suite, bye bye. Et puis on va se faire du son aussi, comme promis, là. Robin Thicke. Robin Thicke avec Blurry Lines. Ça arrive dans un instant sur Fun, restez là. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. sur Fun Radio et sur Twitter également, hein. Venez nous rejoindre si vous voulez, là. Vous me faites un petit follow et je vous follow back derrière. C'est une promesse que je vous fais tout simplement. Je la tiens depuis la semaine dernière et je continuerai à le faire. Sur Instagram, pareil, vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre. Et je vous rappelle qu'il y a également une PlayStation 3 à gagner ce soir avant 2h du mat. Si vous voulez venir la gagner, c'est facile. Il suffit simplement de venir faire un like sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Faut que je vous parle également de la photo de Miley Cyrus au MTV Video Music Awards. C'était hier avec Robin Thicke. Et justement, comme on va l'écouter, Robin Thicke, elle est en mode biatch. Non, mais c'est, Miley Cyrus est plutôt mignonne. Mais là, elle est en mode biatch. Pas pour nous déplaire, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Quand on vient de Anna Montana. Tony Montana. Oui, c'est pas tout à fait le même. Hein. Ah, non, c'est pas le même, non. Quand on vient d'Anna Montana, ça peut choquer. Voilà. Donc, Miley Cyrus, à aller voir sur Facebook. Facebook.com/MIKL officiel. Allez-y, venez nombreux. Et on écoute Robin Thicke maintenant sur Fun Radio. C'est Blurry Lines. Bonne nuit, on est là jusqu'à 2h. Bonne soirée sur Fun Radio. Bah, c'est bizarre, le bouton ne marche plus. Bonne soirée sur Fun Radio. Blurry Lines à l'instant, c'était Robin Thicke. Il y aura Calvin Harris à l'heure aussi sur Fun Radio. Et si vous voulez prendre le contrôle, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Il y a qui sait que vous pouvez le faire. Eh ben, n'hésitez pas, vous mettez le hashtag MIKL sur le Facebook, sur le Twitter. Je dis n'importe quoi, je mélange tout, moi. Vous mettez le hashtag MIKL sur le Twitter et puis vous demandez un titre que vous avez envie d'entendre. Il n'y a pas de problème. Plein de messages aussi qui sont arrivés aussi. Il y a Gaylord qui dit si tu écoutes pas MIKL, c'est que t'es ringard. Merci Gaylord, c'est gentil. Clara qui dit ça fait longtemps qu'on a pas entendu le pipeau. Attends, t'es sérieuse, Clara? On l'a déjà mis plein de fois, là, notamment la copie, là. Let's Be Freaks qui dit du coup, on valide pas le défi d'Aurélien. Bah écoute, on va quand même continuer à prendre des infos parce qu'apparemment, il y aurait un gardien. Comment on appelle ça? Sandro! C'est qui, là, qui nous a appelé, là, pour Aurélien? Qui c'est qui nous a appelé pour Aurélien? Ouais, t'as dit, ah, j'ai un mec qui nous a appelé pour. Il va enquêter. C'est un gardien, non, c'est pas ça? Alex, c'est qui? Je sais pas. Enfin, vous l'avez dit aux antennes là tout à l'heure. C'est un agent de sécurité. Un agent de sécurité, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Merci Sandro de m'avoir éclairé, c'est bien. Bon, donc du coup, l'agent de sécu qui va enquêter, apparemment, il le connaît Aurélien, donc il va voir comment ça se passe. Il y a Nicolas aussi qui dit la rentrée va être dure à force de vous écouter, là je vous kiffe trop. Merci Nicolas. Et préviens tous tes potes aussi au bahut, là qu'on est là tous les soirs, 23h, 2h, et tous les dimanches soirs également de 20h à minuit. DJ Kylian aussi qui nous avait envoyé un message. Polo, Jounou, Robin Thicke ou Pipo, s'il te plaît. Bon. Est-ce que tu sens que tu peux le faire? Ouais. Bah, je suis toujours payé, mais après, tu sais, c'est bon. Voilà, j'ai des contrats d'exclus. Faut pas. On va le faire. Ok. Je suis prêt. On y va. T'es prêt? 3, 4. Quel talent. Ah, oh là là, il y a Chris apparemment qui se fout de ta gueule. Allô, Chris. Fais attention. Hein. Chris, oui, je suis là. Ah, t'es là, Chris. Ça va? Ça va. Alors toi, apparemment, t'es l'auteur de ça? Je confirme, c'est bien moi. Oh là là, que tu es mauvais. Bon, Christopher, bon, écoute, ça tombe bien que tu nous appelles parce qu'on est avec notre avocat, la maître Peters. Oui, et donc on va. Et donc on va porter plainte pour plagiat. Ah, oui, mon petit, je comprends du pas pourquoi tu fais des choses que c'est pas bien comme du ça, quoi. Oui. Eh bien, rien compris. C'est normal, mais je te rassure, Christopher, moi non plus, je n'ai rien compris à ce qu'il a dit. Hein, mais, c'est tout ce que tu dis de toi pour défendre? Oui, c'est tout ce que je dis. Pour défendre quoi? Ben, pour défendre le merde qui l'a cassé les oreilles de moi. Ah, le pipeau? Oui. Mais ça ne veut pas dire pipeau comme tout le monde? Le quoi? Bon, c'est vous, laisse tomber. Ah, bon, donc, il risque de graves ennuis, quoi. Ah oui. 300 000 de l'euro, hein, pour le commence. Pourquoi? Pour le commence. Au début, c'est le commence. Pour le commencement. Oui. Pour débuter, d'accord, ok. Voilà, et après, ça dépend du juge-bas, mais on peut aller... Du quoi? Le juge-bas. Ah, le jugement. Oui, voilà. Ah oui. S'il est un peu hard comme ça... Quoi? S'il est un peu hard. Hard. Hard. Le jugement. Ah, s'il est dur, quoi. S'il ah, est... oui, d'accord, ok. Ceci, maître Peters. Oh, putain. Mais non, c'est dans mon langue, on dit hard. Hein. Ah bon? Oui, enfin bon, allez, bon, alors continuez. Vous êtes déjà assez confus comme ça. Oui, après, peut-être 3 ans dans le prisonnier. À 3 ans de prison? Ah, quand même. Donc, alors, Christopher, qu'est-ce qui t'a pris de jouer ça, là? Ça appartient, ça nous appartient, ça, c'est Apollo. Bah oui. Mais je peux faire autre chose, hein. Ah, non, alors vas-y, est-ce que tu peux faire Robin Thicke, comme des auditeurs l'ont demandé, là, que Polo fasse Robin Thicke. Est-ce que tu peux le faire? Alors, est-ce que je le fais à la manière de Polo? Ah bah non, fais-la à ta manière, sinon on va reporter plein une deuxième fois contre mais, toi. Donc, mais oui, tu comprends du rien de toi. Hein. Bah oui. D'accord, alors on essaye. Alors vas-y. Alors attends une seconde, je t'interromps là. Oui. Alors on vient de passer top tweet. Ouais. Merci beaucoup. C'est là qu'on voit que les meilleurs sont top tweet puisqu'on était top tweet avec Miley Cyrus. Bah écoute, ma chérie, depuis que je t'ai vu avec Robin Thicke, pas de problème, Miley. Hein, je peux partager ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez, n'hésitez pas évidemment, il n'y a pas de problème. Vous continuez, hashtag Mickaël sur le Facebook, il n'y a pas de problème. Merci de nous avoir prévenus en tout cas. Bon alors, attention Chris. Vas-y, t'es prêt pour Robin Thicke? Je suis prêt. Alors tu veux que je te le remette ou tu le connais là? Ouais, vas-y. Ah, attends, je te le remets un petit coup là quand même. Tu vois, ça c'est bon là, tu l'as dans l'oreille? Ça devrait le faire. Alors vas-y, attention au pipo, et puis après Polo évidemment qui sait le faire, le fera derrière, vous nous direz lequel vous préférez, vas-y. C'est parti. Voilà. Non mais c'est pas comme ça. C'est pas bon du tout. Alors Polo va te montrer. Polo va te montrer parce qu'il y a un moment faut quand même pas se foutre de notre gueule. Ouais. Bon, okay. Alors attention, donc Robin Thicke, je vous le remets. Hey. Bon, on y va, c'est bon? Polo, ouais, t'es prêt? Ouais, mais toujours prêt. Alors attends, je vais lui mettre dans sa gueule. Ouais, ouais, ouais, ouais. 3. Regarde. 4. Oh là là là. Merci. Là là, mais ah quel oui, talent! Je t'ai fumé ta gueule! Quel talent! Reviens quel talent! Alors, si vous aussi vous avez. Si vous aussi vous avez un pipeau chez vous, là, une flûte, n'importe quoi, et que vous voulez affronter Polo, n'hésitez pas. Vous risquez fortement de perdre, mais bon. Christopher! Oui, j'ai compris comment faire. Lance flamme. Ah. Non mais dis donc, alors. Ça fait un peu mal, hein. Ah oui, ça fait mal, mais c'est normal. Ça, hein. Le pipeau est intact. Le pipeau est intact. On l'a sauvé le pipeau. Ouais, t'inquiète pas là. Non parce que bon, c'est. Faut quand même pas déconner quoi. Ce n'est pas mauvais, c'était très mauvais. Ça manque d'âme. Vous sentez que ça manque d'âme. Mais évidemment, évidemment, ah, évidemment. Mais c'est un merdeux. Bon, ça. Christopher, allez, tu réessayes et puis tu nous rappelles, d'accord? Je peux réessayer maintenant. Bah vas-y, réessaye pour voir. Oh là là, la fausse note. C'était mauvais, Christopher. C'était calculé. Bon, Christopher, tu vas t'entraîner et tu nous rappelles, d'accord? Ok, je m'entraîne. Bon, allez, entraîne-toi. Salut Christopher. Allez, vas-y, mais une seule personne. Hein. Y a pas de souci. Bah, je fais une dédicace à ma chérie Emma que j'aime. Voilà. Oh, très bien, parfait. Qui aura honte de toi tellement tu joues mal. Bon. Salut Christopher. T'as pas dit que c'était mieux la guitare pour serrer les meufs? Ah ouais, franchement, c'est mieux la guitare. Hein. À la guitare. Ah bah, c'est mieux la guitare qu'avec le pipeau, mec. Pour serrer une meuf, comment t'expliquer que. Ou au piano. Mieux, ou au piano, c'est bien aussi le piano, effectivement. C'est un peu lourd à porter. Mais c'est plus compliqué, hein, tu sais, de dire, allez, viens ma chérie, viens, on va au bord de la plage, tu sais, ton piano. C'est compliqué, quoi, c'est tu vois. Lourd. Bah, écoute, c'est ouais, justement, c'est compliqué, tu vois. D'arriver, t'es là. T'es au bord de la plage. C'est compliqué. Mais je joue bien du piano, vous avez remarqué, ouais, hein. Alors attendez. On dirait Polo au pipo. Ouais. Et là, il l'a sur lui, ouais. C'est un truc de dingue. Là, j'ai mon piano sur moi, attendez. Et je peux jouer autre chose si vous voulez. Hein. Attention, là c'est pour les tristes. Si vous êtes en mode je viens de me faire larguer, changer de radio, c'est rare que je dise ça, mais bon là quand même. Alors attention, 3. Non, fais-moi 3-4, Polo, parce que sinon je vais pas y arriver. 3-4. C'est beau. Bah ouais. Je cherche une compagne. Je suis triste. Quel talent il a. Et tout ça avec son propre piano à queue. Oui. C'est pas un demi-queue ni un piano droit, c'est un vrai piano à queue. Ah, une vraie queue. Une grosse queue. Ah oui. Est-ce que tu peux. Attends, est-ce que tu peux me suivre, Polo, là, au pipo ou pas? Ouais, je peux, vas-y. Ouais. Maintenant, attends, je me mets au rythme de ta truc, vas-y. Attends une seconde. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh, cette musique qui se marie tellement bien. Oh, oui. J'en suis retourné. Ouais. Ne suis-je pas un pianiste hors pair? Ah ouais, quel talent. Charles Lederman peut aller se coucher. Ah bah oui. Bah oui. Bon, Bon, je vais arrêter là parce que sinon après vous allez dire oh il a trop de talent, etc. Bon, voilà, je préfère m'arrêter là. Tu voulais dire quelque chose, Christopher? Ils vont être jaloux. Oui, j'ai un piano sous la main aussi. Ah merde! Alors vas-y, fais une note. Comment? Fais une note. Une note? Vas-y. C'était horrible. Oh là là, le massacre du pipo. Oh là là là. Le massacre du pipo. Bon, t'as pas une guitare là? On fasse un groupe? Si, mais elle est rangée. Ouais, ah merde. Et bon, bah, je l'ai pas accordé. Donc. Qu'est-ce qu'il fait avec tous ces instruments? Qu'est-ce que tu fous avec ça? T'as été tout volé ou quoi là? Hein, ton père était un magasin de musique. Je me débrouille. Bon, il y a Hugo aussi sur le Twitter qui dit le don de Polo est inimitable. Christopher, c'est honteux, mort de rire. Je vous fais de la pub, les gars. Merci Hugo. Solène qui dit je fais une dédicace à Christophe. Bah justement, je sais pas si c'est à lui ou à un autre, quoi. Amy ici dit de toute façon, on sait tous que c'est Polo le roi du pipeau. Ouais, ah oui, ça c'est sûr, oui. Effectivement. Et aucun message qui a été envoyé pour dire que j'étais un bon pianiste. Je suis très déçu. Attends, bah, je garderai le piano pour moi, message sinon. Direct. De quoi, Christopher? Je garderai le piano pour moi, sinon. Bah, vous voyez, Ah non, si, il y a Tom qui dit tu excelles dans tous les domaines, tu m'impressionneras toujours. Mais je sais pas s'il parle à moi ou à Polo, donc c'est non, très, c'est à très toi, perturbant. Ah bah d'accord, merci Tom. J'ai moins de talent. Bon, mais merci Chris, et tu reviens quand tu veux à Nantes, hein. Ok, ça marche. Salut, ciao à toi. Et il y a Nadia qui est avec nous, là, vite fait aussi, Nadia. On est au cœur du Nord sans pub, accessoirement, là. On est bien, on est bien. Nadia qui appelle d'Orléans. Salut Nadia. Salut. Ah, ça va, Nadia. Qu'est-ce qui t'amène? Tu appelles pourquoi? Eh ben, si on vous attend pour tweet, eh ben, je sais ce que vous voulez. Oui, Nadia, ressaisis-toi, hein, tu es avec nous. Tu veux que je te joue un peu de piano pour te remettre? Hein? Bref. Tu veux que je joue un peu de piano ou pas pour te remettre? Un truc bien, oui, bien, bien mélancolique. Oui. D'accord. Oh non, pas mélancolique. Ah bah si. Attends, je vais pas faire du son des fleurs en piano, je suis désolé. Hein. Ah oui, écoute. Bah écoute, je suis désolé. Oh, c'est très beau. Bah oui, je sais, merci. Attends, bon, je vais arrêter sinon tu vas pleurer. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai mis sur le Twitter que si vous étiez en top tweet, et bah, je ferais n'importe quel défi. Parfait. Et que, déjà, rappelle-nous ton âge. 14 ans. Ouais, d'accord. On peut évidemment au moins en faire. Ça va limiter les défis. Ça va limiter un peu les défis, effectivement, ouais. Oui, mais alors tu sais qu'on est en top tweet actuellement, donc t'as dit une connerie là actuellement, là. Ouais, là on a été top tweet justement, là on l'est encore justement, donc bah écoute, on va demander aux auditeurs de réfléchir à un défi, puis on va te le donner, hein. Oui, par contre, ouais. Je pourrais juste le faire demain. Oui, si tu veux, peu importe, ça c'est pas grave. Mais on va réfléchir au défi, là, dites-nous, tiens, hashtag et Mickaël sur le Twitter, et pareil également sur le Facebook si vous voulez réfléchir à un défi pour Nadia. On te rappelle demain Nadia, d'accord? Ok, pas de problème. Parfait, merci à toi Nadia, je te fais des gros bisous. Plein de messages aussi qui sont arrivés. Il y a Baba du 06 qui disait trop fort l'équipe. Merci Baba. C'est à nouveau Baba, je l'avais pas encore vu. Sois le bienvenu Baba. Ou la bienvenue. Sonia aussi qui dit quel bon pianiste ce Mickaël. Ah merci Sonia. Clara qui dit j'ai un xylophone si vous voulez. Je suis con, un xylophone. Enzo aussi qui dit j'ai versé une larme à cause de Mickaël et son piano. Merci Enzo. Thibaut qui dit à quand le Summer Dance Pipo 2013 by Fun Radio. Écoute, on y réfléchit justement, on est en négociation là avec Fun. David qui dit t'es un super pianiste. Merci David. Jonathan aussi qui dit Polo pro du pipo, Mickaël pro du piano, Polo Toff pro du du lance-flamme dans sa gueule. Voilà, c'est ça. Et puis Abby aussi qui dit Mickaël t'es juste trop fort, oh, c'est gentil. Et puis David qui dit t'es un super pianiste. Merci pour vos messages. Kevin pareil aussi qui me dit que je jouais bien au du piano. Et puis El Diablo qui dit aussi tu es le meilleur au piano mais tu dépasses pas Polo avec son pipeau. Ah non mais en même temps c'est pas la même. On fait pas pareil quoi. On n'est pas dans le même dans le même business tous les deux. C'est ça le truc. Bon retour avec Alexis là, avec ses parents qui le laissent pas sortir. T'es là Alex? Ouais. Bon, parfait. Tu as trouvé que j'étais bon au piano, toi également, ou pas? Oh, ouais, pas tellement, non. Oh, comment ça, pas tellement? Comment? Attends, t'es sérieux? Attends, je le refais. Je le refais, je le refais. Tout ça joué en live. Ouais. Je parle en même temps, et ça, c'est beau. C'est comme celui qui arrive à chanter en même temps qu'il joue d'un instrument. Ouais. J'ai toujours trouvé ça très beau. Quel talent. Je sais. Et ces doigts qui glissent sur les... Ah oui, qui glissent de gauche à droite, de droite à gauche. Le noir, le blanc, tout est là. Bon, ça m'a saoulé là, j'arrête ce soir. Non, mais parce que j'étais super bon pianiste à l'époque, ça m'a saoulé. T'as perdu donc, un peu, mais... Ouais, j'ai un peu perdu, mais bon, ça va revenir. Bon, il y a Jack... Qu'il a arrêté le conservatoire. Bah oui, c'est ça. Jack est avec nous également de Salon de Provence. Salut Jack. Salut. Qu'est-ce que tu penses de mes talents de pianiste? Bah, ça va. Ça va? Peut mieux faire? Tu préfères le pipeau de Polo? Oui, le pipeau. Ah ouais. Bon bah du coup on va vous le faire, tiens. Polo, t'es prêt? 3, 4. On y va. Voilà. Bon, Jack, tu voulais réagir à Alexis, toi, par rapport à ses parents là qui ne laissent pas sortir. Qu'est-ce qui se passe chez toi, toi? Bah moi c'était pareil avant, je pouvais pas sortir. Ouais. Et là pendant les vacances en fait, il y a mon tonton qui est venu. Et en fait il a vu que je pouvais jamais sortir tout ça. Du coup il a fait la morale à mes parents. C'est bon ça. Oui. Enfin après il a plus de vie sociale tout ça. Du coup ça a fait réfléchir à mes parents et maintenant bah je peux sortir quand je veux tout ça. C'est pas mal mais ton oncle il est plus jeune que ta mère Jack. Oui. Ouais ça aide. Et Alexis t'as pas un oncle toi ou une tante un peu plus jeune? Non, ils sont tous vieux les miens. Ils sont tous vieux, merde. Ou cousin, cousine, un peu plus âgé que toi, enfin plus âgé que toi, mais quand même plus jeune que tes parents, forcément. Ouais, vite fait, ouais, mais je leur parle pas beaucoup. Ah putain, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faudrait, c'est effectivement trouver quelqu'un comme chez Jack, là, qui pourrait dire à tes parents, bah vas-y, attends, c'est bon, qu'est-ce qui lui arrive, laisse-le sortir, c'est pas grave, etc. Tu sais, qui pourrait leur parler, les rassurer en même temps, quoi. Ouais. Bah c'est le meilleur conseil qu'on puisse te donner, essaye de faire ça Alexis, puis sinon négocie avec eux, hein. Tu fais des échanges, tu dis voilà moi je fais ça en échange, est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux aller au ciné, est-ce que je peux aller bouffer un quick, j'en sais rien, n'importe quoi, tu vois, pour essayer petit à petit de leur prouver que qu'effectivement tu t'es quelqu'un de confiance. Ouais, faut jouer, ouais. Bah surtout, ouais, faut voir. Et surtout fais pas de conneries quoi, parce que sinon, conneries, parce que sinon ils vont pas te rater. Hein. D'accord Alex? Ouais. Bon, ça roule. Bon, allez, Alex, passe une bonne soirée en tout cas. Merci d'avoir. Tu dédicace. Bah, allez, vas-y. Et comme toi, t'as fait attendre pendant 3 heures là, dans le soir, tu peux faire un tour. Mais il écoute même pas, hein. C'est dingue ça, quand même. Vas-y. Je fais une avance geek qui m'écoute là. Gaïli, Victor. Et tout, la Bretagne, Chaptal. Très bien. Et ben, on embrasse tout le monde. Ouais. C'est mon pote qui fait un dédicace. Allez, vas-y. Mais pas 2 heures. Hein. Normalement, t'as droit à une seule personne. C'est bon que t'as attendu pendant 1h30 au standard. Salut, comment tu t'appelles? Alexandre. Salut Alex, allez vas-y, fais péter la dédicace. Pas 3 heures hein, Alex hein. Ok. Vas-y. Bon, dédicace à PQ, à Madesp, à Duglan, à Loan le petit os. Merci, c'est super gentil. Table Liquès et puis voilà comme. Voilà quoi. Très bien, et eh ben les messages sont passés, pas de problème. Salut à vous deux, à bientôt. Ciao à Jack également, merci d'être passés tous les deux. Et n'oubliez pas de prévenir vos potes également, hein, qu'on est là tous les soirs entre 23h et 2h du lundi au jeudi. Et tous les dimanches soirs entre 20h et minuit sur Fun Radio. Et en gros, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais pourquoi tu n'as pas passé les dédicaces? Parce que dans l'idée, en fait, si vous voulez, la dédicace, techniquement, elle fait plaisir à celui qui l'a fait et à celui qui la reçoit. Tous les autres s'en battent les couilles. Non, faut être franc, maman. Hein, ouais, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai. Donc du coup, c'est pour ça que je limite les choses pour pas qu'on fasse des dédicaces de 3 heures comme dans d'autres émissions sur des autres radios, etc. Où ça dure. En fait, finalement, il y a que ça. Donc c'est un peu chiant, quoi. Voilà. Il y a Eval aussi qui dit Polo et son pipeau sans mytho. Aïe, vous êtes kiffant. David aussi qui dit pour le défi l'auditrice de 14 ans, elle aura qu'à réveiller ses parents pour leur dire que Mickaël sur Fun Radio, c'est trop bien. Continuez comme ça et faites revivre le Polo Show. On y pensera. Pourquoi pas le réveil des parents? C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ou le frère ou la sœur, il y a Toff, non c'est Solène qui dit Toff, pro du lance-flamme dans sa gueule, ça c'est bon. Le Missy Davan qui dit en défi qu'elle fasse l'homme sandwich avec écrit l'horaire d'émission, c'est pas mal non plus. Missy Zoubou aussi sur Twitter qui dit ah non mais juste quel talent au piano, merci Missy. Blacko Bobo aussi qui vient d'arriver, je le connaissais pas en tout cas, bah, soit le bienvenu. Polo et son pipeau et Mickaël et son piano, ils font rêver, c'est trop des dieux de la musique en fait. Oui, c'est vrai, tu as raison, merci à toi d'être passé. C'est ce qu'on est. Mais oui, Popou Popolinette également, j'ai envie de m'allonger sur ton piano, Mickaël. Faut d'abord voir à quoi tu ressembles, Popolinette. Félix qui dit Mickaël, c'est la première fois que je t'écoute, t'es loin d'être la dernière, dédicace à Manu. Eh ben, sois le bienvenu, Félix, oublie pas de prévenir justement tes potes et notamment Manu là, qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio, comme je le disais, de 23h à 2h du matin. Et Laura qui dit très bon pianiste, Mickaël. Et David qui dit vous êtes trop fort. Merci à vous pour les messages. On va se faire le son de Calvin Harris maintenant. I need your love. On doit encore appeler des numéros que vous nous avez envoyés, on doit appeler un chinois apparemment, livraison chinois. Bonjour. Oui, bonjour. Donc on va faire ça dans un instant sur Fun Radio et puis on va récupérer aussi notre ami Flavien qui voulait réagir également, Valentin pareil qui voulait réagir à celui Grégory qu'on a eu tout à l'heure qui se masturbait 10 fois par jour. Allez, bonne nuit tout le monde, minuit 34 et Calvin Harris qu'on écoute maintenant, I Need Your Love. Bonne soirée avec Fun Radio, on est là jusqu'à 2h. C'est Fun Radio à l'instant avec Calvin Harris, c'était I Need Your Love. Il y aura chante avec dans un instant, je suis resté coincé. Avec Slow Down, il y aura Gilo aussi et Pitbull pour Live It Up, donc restez bien sur Fun Radio. Et puis plein de messages qui sont arrivés aussi. Camille avec un K qui dit bonne nuit la bande de fous. Bah, merci à toi Camille avec un K. Alexia qui dit je vais vous écouter tous les soirs. Merci Alex. Et puis préviens tes potes également. N'oublie pas aussi, hein, 23h, 2h tous les soirs et 20h minuit tous les dimanches soirs. Jarno aussi qui dit ça déchire le piano et toi. Chris se met la honte tout seul. Il y a Benoît qui dit quel pianiste de talent là, je vous écoute tous les soirs. Merci Benoît. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Alexis qui dit pour le défi, faire un sandwich avec tout ce qu'elle peut utiliser dans son frigo et le manger en filmant. C'est une idée. Ophélie qui dit émission de ouf. Écoutez, si on veut danser rigoler toute la soirée, eh ben écoute, merci Ophélie. Comme toi, apparemment, t'es nouvelle aussi. Sois la bienvenue. Benoît qui dit première fois que je vous écoute, vous êtes trop cool. Je me pète des barres, Mickaël, avec son piano et Polo avec son pipeau. Continuez comme ça. Et Shirley qui dit moi aussi, je joue du pipeau, pas comme Polo, mais j'ai du talent dans mon domaine, à ce qu'il paraît. Bien. Eh bien, Shirley, laisse ton numéro. On essaye de te rappeler ou alors appelle directement Sandro au standard au 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Eric qui dit le seul et unique joueur de pipeau c'est Polo, personne ne peut le clasher. Et puis c'est de vrai. Gamer Flogs qui dit Chris est une enflure, le pipeau est une œuvre monarchique et anarchique, en aucun cas elle doit être repris par des petites ordures de con. Oh quelle violence de Gamer Flog. Et Banana qui dit aussi j'ai recraché mon petit Suisse par le nez, vous me faites trop marrer. Et ben justement, en parlant de Suisse, on va rappeler à Zurich. On va pas rappeler à Zurich, on va rappeler là maintenant un restaurant chinois de livraison rapide, puisque apparemment, là les McDo's finis à mon avis, donc on va pas trop risquer, puisqu'apparemment à Zurich il y a des nouveaux systèmes de drive où on peut commander son petit truc de cul quoi. Voilà, c'est ça, t'arrives, voilà. Tu fais ta commande. Ouais, exactement. Bien. Bah ouais, plutôt ouais. Donc on va appeler restaurateur chinois livraison rapide de nuit quoi. Ouais, allez, on y va. Bon, allez, bah c'est parti, on y va. Alors, c'est parti. Ça sonne parfait. On aura le chéri, je peux te faire cocu aussi, hein, c'est le lundi là, on va se le mettre tout à l'heure avant 2h du mat. On va se le mettre, on va jouer avant 2h du mat. Restaurant Dia, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, ce serait pour une commande. Votre numéro de téléphone s'il vous plaît. Oui, alors le 01. Oui. 42. Oui. 48. Oui. 50. Oui. 00. Votre nom? Moi c'est Toff. Je viens chercher. Hein. Ah d'accord. Oui, voilà. Alors donc j'aurais voulu un grand gangbang avec une petite pipe. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. On était bon là. Oh là là, il était bon celui-là. Il va falloir le découper la fin parce que je pense qu'il est pas mal. Hein. Ah bah non, ça c'est clair. Oh là là, dis donc. Attends, on va la rappeler, elle était bonne. On va te faire enculer, fils de pute. Allez. Attends, on va rappeler le restaurant chinois, il était au top lui. T'as fait un clé. Fils de pute. Ouais. On va essayer de récupérer l'appel, attends, parce que la fin était magistrale. Qu'est-ce que cette musique? T'as pas l'impression d'être dans un restaurant chinois, quoi? Non. Quoique, musique d'ascenseur. Si. Et bonsoir. Oui, bonsoir madame. Pourquoi vous m'avez raccroché au nez? Pardon? Je dis pourquoi vous m'avez raccroché au nez, ça se fait pas. Moi j'appelle pour commander. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous? Peut-être tout à l'heure j'ai eu un téléphone mais j'ai mal entendu, c'est pas moi qui décroché. Ah c'est pas vous qui avez raccroché. Non, c'est pas moi. Ah bon très bien, non parce qu'en fait voilà j'appelais pour passer une petite commande. Non c'est pas moi, c'est Monsieur Beff. Non, moi c'est non. Monsieur Toff. Ah non, votre numéro de téléphone s'il vous plaît. Alors 01 42 48 5000. Combien? 50 00. 50 00. Voilà. 01 42 48 5000. Voilà, c'est ça. Vous venez chercher ou faites oui, je viens chercher, oui, je viens vous chercher. Vous venez chercher, d'accord. Voilà. Hein, alors j'aurais voulu un grand gangbang. Allô, oui, j'écoute. Donc un grand gangbang. Oui. Avec une petite pipe. Et est-ce que c'est possible d'avoir un verre de foutre sans glaçon? Oh. Un peu de. De foutre sans glaçon, oui. Un peu de... Oh, pardon, j'ai mal entendu, parce que pour des mots, j'ai mal entendu. Oui, donc je voulais un pot de foutre sans glaçon. De foutre. Foutre. Foutre. Oui. Foutre comment? Nature. C'est les poutres comment, monsieur? De nature. Nature, sans glaçon. Sans glaçon. Voilà, sans glaçon, oui. Le qui débat. Oui, je coupe pas. Sans glaçon. Hein? Poutre. Mais poutre, j'ai mis poutre. Un pot, hein, un pot. Non, un pot de poutre. Non, foutre avec un F. Oui. Voilà, foutre comme dans fist. Oui, en fait. Oui, oui, oui, d'accord. Voilà. Oui. Voilà. J'écoute. Voilà, ce sera tout. Un poutre sans glaçon. Non, du foutre sans glaçon. Le fou... Vous ne quittez pas. Oui, je ne quitte pas. Ah bah, Dieu, c'est long la commande là. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc voilà, donc on récapitule la commande. Allô? Oui. Oui, donc voilà, donc je voulais un grand gangbang. Mais putain, va te faire enculer la fille de putain. Elle a refait deux fois. Elle a mis deux heures. Ou alors c'est la fille ou l'assistante qui est venue là. Mais ah, t'as pas engueulé. Oh, on va rappeler. Attends. Hop. Oula, sa gueule. Retour au restaurant chinois. Bon, on va voir la petite musique. Oui, allô. Mais putain, va niquer ta mère là si t'as rien à faire. Mais comme on parle français ou quoi? Bah si, mais moi je voulais niquer, mais pas mais ma mère. Ta gueule, va te faire enculer, fils de pute. Oh là là. Elle m'a démonté le dos là, dis donc. Attends, parce que j'ai le premier appel, là, on a le son là. Avec une petite pipe. Oui, ça va te faire enculer, fils de pute. C'est pas la même. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bon, bah on rappellera encore d'autres livraisons rapides. Là. Si vous avez d'autres numéros de téléphone, de restauration rapide, livraison qu'on peut appeler éventuellement, n'hésitez pas à nous donner tout ça, évidemment, sur le Twitter hashtag Mickaël. Ou alors, tout simplement, vous appelez le standard à 01 42 48 5000 ou alors 02 851 4x0 pour la Belgique. Il y a Petit Panda qui est là, d'ailleurs, qui dit « Je peux passer commande, donc je veux un menu Toff, un menu Mickaël et un menu Polo. » Oui, bah tu sais pas ce qu'il va y avoir. Jimmy aussi, qui dit « Pété de rire, je suis mort de rire, ils vont le connaître, le numéro de téléphone, là je suis plié par la chinoise. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Laura qui dit vous me faites délirer, Toff, tu t'es bien fait envoyer bouler. Ah ouais, là pour le coup, ouais, pas mal. Manuel aussi qui dit nickel le resto chinois, j'adore les bars que vous me donnez. Benoît qui dit t'es le meilleur, tu me fais exploser de rire. Bah merci Ben, même si t'as Toff. Kevin qui dit mort de rire la chinoise, c'était assez violent là, c'était Vincent qui avait envoyé le message. Et puis qu'est-ce qu'il y a aussi? Mickaël qui dit je vais vous écouter tout le temps maintenant. Bah c'est cool Mickaël, sois le bienvenu. Et comme je le dis, n'oubliez pas de prévenir des potes également, 23h, 2h tous les soirs, on est là du lundi au jeudi et tous les dimanches soirs également de 20h à minuit. Et puis Petit Panda qui dit je suis mort de rire, la poutre, oui la poutre, effectivement la poutre, attends la poutre, tout simplement. Et Romain qui dit vous êtes magique, merci en tout cas pour tous vos messages, c'est bien, c'est super cool. Il y a toujours la PS3 aussi à gagner tout à l'heure avant 2h du mat là, si vous voulez la gagner allez-y, venez, n'hésitez pas, facebook.com/mikl officiel, vous venez, vous faites un like sur la PS3 et je vous tire au sort tout à l'heure, vous partagez avec vos potes également. Et pareil aussi, là on salue également les nouveaux sur Twitter, les nouveaux followers, les Twitters qui nous follow depuis ce soir. Là il y a Océane qui vient d'arriver, il y a Laurine, il y a le roi Brice également, il y a Quentin, il y a Young Yanis également, Anto, il y a Wildlife, Deria, Duff, Tony, John, Jujuma, TH1 également, il y a Estelle, Bartra, Abso, Pauline, bref tous ces gens que je viens de follower justement, puisque si vous nous faites un petit follow, eh bien je vous follow back. C'est pas plus compliqué que ça. Vous faites un petit follow sur Mickaël officiel sur Twitter et je vous follow back. Pareil sur Instagram, évidemment. Dans un instant, il y aura Showtech, évidemment. Dans un instant, on va prendre Nalia également, qui est là. Ah, c'est Cédric, pardon, qui avait un défi pour Nalia. Salut, Cédric. Salut, les gars. Comment ça va? Et Nalia, qui est toujours mort de rire. C'est parce qu'elle kiffe l'émission. Qu'est-ce qui se passe, Nalia? C'est le reste chinois qui doit gagner. Elle est en panique du défi, en fait. Ah, t'es là. Ou alors, tu connais peut-être Nalia, tu connais Cédric? Cédric, on se connaît vite fait par Twitter, ouais. Ah, il me semblait bien, très bien. Bon, alors, c'est quoi ton pseudo sur Twitter? C'est Ced VSR. Ah oui, d'accord, ok, je vois qui tu es, Ced. J'espère bien. Bon, bah oui, je vois bien. Bon, le bordelais, là, est-ce qu'il a un plan à proposer à Nalia, là? Est-ce qu'il a un défi, là? Alors ouais, j'aurais proposé à Nalia de réveiller ses parents en criant « Vive Mickaël aux limites » sur Fun Radio. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, avec des casseroles, tu prends une casserole et une grosse couche pour taper dedans. Et là, je pense qu'elle va moins rire, là. Ouais, ouais, ça me paraît un bon plan, ça. Ça va la calmer direct. Nalia, en direct sur Fun. Allez. Moi, là. Bah, Nalia, c'est toi qui te l'ai ramené, hein. C'est toi qui appelais en disant moi si vous êtes top tweet, je fais ce que je vous voulais comme défi. À savoir qu'on était déjà top tweet et qu'on l'avait dit à l'antenne, donc tu vois. Je sais pas. Ah bah, moi je sais, hein. Nalia, tu as le temps du disque, le temps de Showtech et le temps du chéri, je peux te faire cocu, c'est-à-dire à peu près. Bon, en moyenne, ça dure 10 minutes, hein, chéri, je peux te faire cocu. Là. Un bon quart d'heure. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure. Donc, t'es 5 quarts d'heure pour réfléchir. Oui, mais qu'est-ce que je voulais dire déjà? Merde. Ah, il t'a oublié. C'est pas grave. Merci, Nadia. Bon, ben réfléchis, Nalia, d'accord? Par contre, oui. Si je le fais, je gagne quelque chose? Bah attends, c'est toi qui t'es proposé, donc si tu le fais bien, on va peut-être te filer un truc, on va voir. Oh, en sachant que jeudi, elle a déjà eu sa compile. De quoi, de quoi? En sachant que jeudi, elle a déjà eu sa compile. Quelle balance. Balance alors celui-là. T'as regardé comment il est. Donc, quelle sale balance, c'est Cédric, quand même. Quelle balance. Bon, donc on verra, Nalia, si tu fais un truc bien. D'accord? Ok, je réfléchis. Bon, ben réfléchis. Bon, ben Cédric, merci pour la proposition. On va voir dans un quart d'heure comment ça se passe. Allez, vas-y, t'en ramènes à la question. Je voudrais faire une dédicace à la. Non, t'as été une balance, toi, t'as rien du tout. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Salut aussi. Cédric. Non, t'as une balance, Cédric. Qui peut ouais, mais c'est, pour, chose. C'est pour le bien du budget de fin de radio. On et alors brûler la gueule. Ah oui, on peut te brûler la tronche. Hop là. Voilà. Cadeau, c'est pour moi. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et tends la joue, Cédric. Ouais, ça y est. Voilà, ah tiens. Non, mais dis donc. Alors, pour qui tu prends? Je vais lui mettre un coup de marteau piqueur. Dis donc, t'abuses un peu, toi, non? C'est toi, t'abuses un peu quand même, là, non? Non, c'est attends, mais je le fais, mais sur la gueule de Toff. On va le remodeler encore un peu, mais oui, mais il manque, il y avait encore un détail. Oui, ça dégouline, là. Ouais. Il y a un truc que j'ai raté tout à l'heure, là, quand je lui ai refait la façade. Ah oui. Voilà, attention, là, je chauffe un peu. Ouais, ça va être mieux, ça va ramollir le merdier là. Voilà, là c'est parfait. Là il est mieux. Et il est mieux Nadia comme ça, non? Oui, très bien. Ah ouais, il est mieux. Cédric, t'es d'accord? Ah magnifique. Ah bah magnifique. Tu vois, c'est pas mal. C'est pas compliqué mais bon. Bah okay. C'est pas faux effectivement. Voilà. Bon, Nalia, tu restes là. Cédric, merci à toi. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Eh bien, avec plaisir. Allez, à plus, Cédric. Ciao à toi. Dans un instant, Valentin qui voulait réagir à celui qui se masturbe là, plus de 10 fois par jour. On aura Laetitia, le retour. Ladies and gentlemen. Ça va, Laetitia? Eh, roulement de tambour. Oui, ça va, et vous? Attends, roulement de tambour, c'est pour la suite de l'histoire. Bah, bon, oui, Laetitia qui nous avait appelé hier parce qu'elle avait une histoire. Pff. On aura dans un instant notre ami Roger pour le résumé. Bonsoir Roger le résumé. J'irai faire foirasse. Donc on fera ça dans un instant, le résumé, c'est ça hein, Laetitia hein. Grosso modo, j'ai bien résumé. Attends. Oui. J'ai bien résumé ou pas Laetitia? T'es en train de... Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux mon doigt? C'est rien, ça va me remettre correctement sur mon lit. Ah très bien. Je suis en train de remettre. Tu veux qu'on t'accompagne Laetitia? Non, ça va aller, tranquille, mon mec qui m'accompagne. Ton mec? Ouais, m'accompagne. Mais c'est un connard, il sert à rien. Eh oh! Et apparemment, j'ai vu, c'est le buzz sur Twitter et sur Facebook, et apparemment, il y a une petite bite. Ouais. Et nous, on a un marteau piqueur. Regarde. Ouais, mais n'empêche qu'il reste un petit truc comme défaut quand même. Hein. Ouais, mais ça t'excite pas, allonge-toi, ça, regarde. Vas-y. Regarde mon marteau piqueur. Mets-toi le téléphone sur la chaîne. Hein, ça pourrait être bien, ça. Polo, ça y est, il a décidé. Non, merci, c'est bon. Mon gars, c'est bien un marteau piqueur à lui tout seul, alors. Bon, pop. Bon, Laetitia, on te reprend dans un instant, bouge pas. Non, tu sais quoi, Laetitia, ne bouge pas, je te reprends dans un instant. Ouais, d'accord. Allez, on va se mettre une musique romantique. Je refuse. On va dire que tu refuses. Hein. On va se mettre une petite musique romantique. Ah ouais. Voilà. Le son de Showtech, Laetitia, bouge pas. Et on va se faire aussi le chéri, je peux te faire cocu juste après sur Fun Radio. Soyez toutes et tous les bienvenus. On est au cœur d'une heure sans pub. Et ça, c'est la bonne nouvelle déjà. Hein. On est les seuls à vous balancer une heure sans pub. Venez nombreux également sur le Facebook. Choper la PS3, tirage au sort dans une heure. Facebook.com/MIKLOfficiel. On vous attend nombreux, Showtech et Slowdown, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h sur Fun. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Ah, on est bien reçu quand même, hein. Ouais. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Ah, on est bien reçu quand on appelle dans les restaurants chinois là pour une commande. Bon, ok, la commande est un peu particulière, je veux bien l'admettre. Oui, les pauvres. Ben oui, voilà, il y a Céline aussi qui dit bonne nuit à toute l'équipe de Fun. Ben merci Céline, puis sois la bienvenue, t'es une nouvelle apparemment. En tout cas, j'ai jamais vu ton pseudo ici sur Facebook, donc bienvenue à toi. Il y a Simi qui dit iPad, Coca Cherry, tout en regardant les étoiles, écoutez Fun, que demander de mieux? Ah bah une meuf peut-être hein, ou un mec, je ne sais pas, avec ton pseudo si tu es un garçon ou une fille. Il y a Paul qui dit la bulle lance-flamme peut être dangereux pour votre entourage. Mais allons toi, il adore ça, tiens, hop dans ta gueule. Voilà. Attends, il y a encore un message également de la Chine là pour toi, Toff. Oui, ça va te faire enculer, fils de pute. Voilà. Et alors il y a Benjamin qui dit il me faudrait l'adresse de Fun pour vous offrir le pack de cigarettes électroniques offert par la société Modvap. Si jamais il y a des fumeurs, ce n'est pas une blague. Merci de nous faire rire. Et moi et mon équipe, chaque soir, continuez comme ça. Bah vas-y, Benjamin, là, tu me fais ça. T'envoies ça à Fun Radio, Mickaël, 20 rue Bayard. Qui en envoie deux parce que les deux dindes là, qui applaudissent depuis tout à l'heure. Là. 75 008 à Paris, Benjamin. En tout cas, c'est super gentil. Et si tu veux plus d'infos, tu me tapes un mail, hein, mickaël@funradio.fr. C'est très gentil, Benjamin. Florian aussi qui dit vous êtes des oufs. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Laurie qui dit comment on fait pour vous appeler et rester un peu avec vous sur la libre antenne au téléphone. Bah, c'est facile. Mignon. Voilà, facile. Alors écoute, si mais tu veux nous appeler, pute, tu fais ça. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Voilà, tu composes le numéro, t'es en direct avec nous, c'est aussi simple que ça. Et alors il y a Louis qui dit aussi, va te faire enculer, fils de pute, elle m'a tué la chinoise, la lance-flamme, va falloir en racheter un autre. Non, il est bien, il faut juste le recharger, t'inquiète. Bon allez, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu pendant que Nali elle réfléchit encore à son défi qu'on lui a mis, que ce Cédric que c'est là sur le Twitter lui a mis. Valentin qu'on va récupérer avec Flavian qui voulait réagir à Greg qui se masturbe 10 fois par jour. Et puis on va enfin donner la bonne réponse. On va le faire maintenant, parce que j'ai un peu de scrupules sinon. Ah, t'as un peu honte. Ouais j'ai un peu honte là, vu le temps qu'on a mis là, je suis désolé Fred. Ouais. Eh, désolé pour le retard, hein, mais on s'est un peu emballé avec toutes les conneries là. Et puis avec le chinois, t'as écouté le chinois là? Ouais, Marcel le chinois. Ah, elle était au top hein, quand même. Hein. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Oh, allez, ouais, c'est ça. Taquet du taquet là. Bon, enfin bon. Bon, Fred, bon, alors quelle est la différence entre une belle-mère et du chocolat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, ben on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante, ou pas, hein, si la personne décroche pas. Et ben c'est toi qui gagne. Et si elle a la mauvaise réponse également. Alors, attention. Allô. Oui, allô, bonjour. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment tu t'appelles? Moi, c'est Denis. Denis, ça, bienvenue Denis. Bon alors Denis, est-ce que t'as la réponse à la colle de Fred? La Fred, il va te la répéter, vas-y Fred. Alors, quelle est la différence entre une belle-mère et du chocolat? Alors, dis-moi Denis. La belle-mère, elle fait chier et le chocolat, ça constipe. C'est ça. Voilà. Bravo Denis. Eh ben voilà, c'est gagné. Bravo à toi, Denis. Hein. C'est super, ouais. Eh ben je t'en prie. Eh ben écoute, avec grand plaisir, on va te renvoyer chez Sandro au standard, on va prendre tes coordonnées, et puis Fred, tu retournes chez ta mère, les mains vides. Ah, voilà. Non, je suis déjà chez moi avec ma femme. Fred, bonne soirée quand même. Eh ben salut, Denis. Par contre, Mickaël, je peux te poser une question? Bah vas-y, dis-moi. Je me suis inscrit pour passer pour un sujet, là. Ouais. Et j'aimerais savoir à quelle heure vous rappelez les gens. Bah, je sais pas, c'est Sandro qui gère ça. Bah, je te la repasse, comme ça tu gères ça avec elle directement, Denis, y a pas de problème. D'accord. Aucun souci, Denis. Bisous à tout le monde. Bon, à très très vite alors, puisque tu veux nous parler, donc on va te rappeler dans pas longtemps. Pas de problème, Denis. D'accord. Salut. Michael. Allez, ciao à toi. Et Fred, merci à toi pour ta patience. Ouais, on va quand même te filer un petit cadeau, tu restes au standard aussi, d'accord? Ok, ça roule. Bon, salut Fred, à bientôt. Ciao. Allez, salut, ciao. Bye. Et vous êtes nombreux et nombreuses à attendre le chéri, je peux te faire cocu. Et le chéri, je peux te faire cocu. Et là, ce soir, justement, nous allons accueillir Julien maintenant sur Fun Radio. Alors, de Wanz ou de Wanzé, je sais pas, il n'y a pas d'accent dans le standard. C'est Wanz. Ah, Wanz, j'avais bien raison alors, très bien. Wanz. Bon, Wanz. Très belle ville de Wanz. Ben oui, tout à fait, magnifique, effectivement, c'est tout près de Liège. C'est tout près de Liège, oui. Ah, t'as vu un petit peu? Ouais, t'es trop fort. Ouais, je sais, c'est géographie là, c'est... Voilà, enfin, bravo. Bon, alors, Julien, on va faire donc ce petit chéri, je peux te faire cocu, et si tu si tu réponds correctement, évidemment, enfin, si tu réponds, si t'arrives plutôt à gérer correctement le chéri, je peux te faire cocu, cadeau pour toi, d'accord? D'accord, pas de soucis. Alors tu choisiras évidemment avec Sandro au standard, il y a plusieurs trucs, plusieurs cadeaux différents, il y a des écrans, il y a des iPod nano, il y a des trucs. Ouais, il y a des trucs. Oh hein. Je suis concentré sur arrête ton cinéma. Je rentre dans mon rôle. Ouais, c'est ça. Elle est concentrée sur son coude pour essayer de pas s'endormir. C'est surtout là-dessus qu'elle est concentrée. Elle met son costume. Voilà, on va appeler ta copine ou ta femme? Ma femme. Ah, c'est encore mieux avec la femme, parfait. Bon, alors, le principe est simple, donc on va l'appeler maintenant. Tu veux lui faire croire que t'as rencontré une autre meuf qui te plaît pas spécialement, hein, t'as pas envie de faire ta vie avec. Mais disons que elle t'a proposé de coucher avec juste un soir. Et bah, du coup, comme t'es honnête, quelqu'un de bien, gentleman. Et que tu l'aimes, et que c'est tu l'amour. L'aimes, effectivement, bah, t'as envie d'avoir son aval, quoi. Son village jeune mot, bien sûr. D'accord. D'accord. Bon, okay. On y va. T'es censé avoir rencontré Sandro où? Bah, je vais faire croire que je l'ai rencontré à un mariage que j'ai été animé le week-end passé. Ah, t'es DJ? Oui, je fais ça le week-end. Ok, parfait, très bien. Ok, bah, tu es comme moi, tu es presque DJ. J'ai presque DJ, ouais, je serai DJ Mimi. DJ Mimich, c'est mieux. Oh, là. DJ Mich. Mimich, non, Mimich, ça fait naze. Parfait, on fait ça comme ça. Non, mais c'est vrai, désolé pour ceux qui ont un Mimich comme pseudo, hein, désolé, mais c'était comme ça, je l'ai sorti naturellement. Allez, on y va, Julien, c'est parti. Et alors, Sandro s'appellera Valès. Vanessa. Ouais. Ouais, c'est Vanessa. Ouais, c'est Vanessa. Vanessa de Vanessa, évidemment. On y va, c'est parti. Attends, Julien. Tu l'as rencontré où, en soirée? En soirée. Oh, non, non, il est DJ, il vient de te dire. Il est DJ dans les mariages, ouais, tu l'as rencontré la semaine dernière. Dans un mariage, ouais. Ouais. Ok. D'accord. Et là, ce soir, elle est où, là, Julien, ta copine, là, maintenant? Enfin, ta femme? Bah, là, elle est à la maison et moi, je suis. J'ai passé la soirée chez mes parents. Donc, parfait. C'est parfait. Donc, tu dis qu'en fait, c'était pas vraiment chez les parents que t'étais, mais que bah tu l'as rencontré. Enfin, t'as été un petit rendez-vous pour boire un petit verre, quoi. D'accord. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. En espérant que ça cartonne, évidemment. Si ça cartonne, évidemment, cadeau, bien sûr. Si elle pleure, c'est perdu. Donc, faut qu'on se marre et pas qu'on pleure, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Allô? Allô, Loulou? Oui? Ça va? Oui, toi, t'es où? C'est pour ça que je t'appelais, en fait. Il fallait que je t'explique un petit truc et... Voilà, je voulais t'en parler pour voir un petit peu ce que t'en pensais, quoi. Je sais pas quoi. J'ai pas été chez mes parents, en fait. C'est ça, je vais t'expliquer. Ça va, toi? En fait, là, ça va. Toi? Mais je t'attends, je viens d'une demi-heure, mais ça va, je t'écoute. Ouais, je vais bientôt arriver. Ben en fait, tu te rappelles, samedi, j'ai été animé le mariage, là, à Liège. Oui. Et en fait, pendant la soirée, j'ai remarqué qu'il y avait tout le temps une fille qui n'arrêtait pas de me regarder. Et elle m'a troublé, en fait. Donc, à un moment, elle est venue me parler, on a pas mal discuté pendant la soirée. T'as dit quoi? Elle t'a quoi? Il l'a fait trop en mode dramatique. Elle est venue me parler un peu pendant la soirée, donc on a discuté, on a bu un verre et... Oui. Et voilà, on a pas mal discuté la soirée et en fait, elle habite à Wii. Et aujourd'hui soir, elle m'avait en fait proposé qu'on se voit dans un café pour aller boire un verre. Ben, oui. Mais ça va, oui. Ah ouais, mais tu sais que dès qu'on on a toujours parlé ensemble, t'as toujours dit qu'il fallait qu'on se dise des choses et... Laisse-moi t'expliquer. Il y a pas à m'expliquer, qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis que tu vas chez tes parents, et là maintenant tu me dis que t'es pas chez tes parents, ça fait une demi-heure que je t'attends. En alien, ouais, ça c'est sûr. Il n'y a rien à m'expliquer. Je vais t'insulter, Sandro. Tu vas chez tes parents. Vanessa. Tu restes à la maison et tu me l'expliques de vivre. Qu'est-ce que tu fais? Et t'es où là? Mais je vais bientôt rentrer, je suis toujours... Chérie. En fait... En fait, moi, je n'ai toujours connu que toi au niveau sexuel, puisqu'on est ensemble depuis que j'ai 16 ans. On est bon, là. C'est avec elle, là? Allô? Mais non, elle me tracasse. Il y a quelqu'un derrière toi. Mais ouais, mais je vais t'expliquer, attends. T'es avec quelqu'un? Je suis au téléphone, là, ça met trop de temps. Allô? Allô? Oui, c'est qui, hein? Mais c'est qui? Mais c'est toi, t'es qui? Bah c'est Vanessa, il t'a pas dit hein. Vanessa qui? Vanessa. Passe-moi Julien. Mais t'es qui toi? Moi mon mari. Mais qui es-tu hein? Mon mari, t'es pas choix, qu'est-ce que tu fais? Ah c'est ton mari hein. Je m'en fous de te parler. Je savais pas que t'étais marié, Julien. Moi, Julien, dépêche-toi. Chérie, tu m'as pas dit que t'étais marié hein. Chérie, mais... T'aurais pu me dire que tu avais passé la bague au doigt quand même. Je suis là. Tu m'entends? Jules, allô. Jules, tu te ramènes tout de suite là. Putain, Jules, t'es arrivé là tout de suite. Dépêche-toi. Je vais bientôt rentrer, mais je sais pas, que je voulais t'expliquer un truc. Tu sais quoi? Mais tu vas revenir juste pour que je te pète la gueule là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'appelles chérie? Eh, ça va, ça sert à rien de t'énerver comme ça. C'est pas normal, Jules. Tu me dis que tu vas chez tes parents, et puis là maintenant tu m'appelles pour me dire une couillonnade que t'as été une soirée samedi là, et que t'as bu un verre avec une fille que je connais même pas. Mais Julien, qu'est-ce que c'est? Julien, dépêche-toi. Tu sais quoi? Tu vas rentrer. Je vais te péter la gueule, tu vas rentrer. Oh, Julien! Oui. Julien, bon, t'as fini au téléphone, là? Parce que j'aimerais bien que tu montes le dernier mix, là, que je peux faire. Ouais, j'arrive. T'es avec qui au téléphone, là? Je suis avec ma femme. Ta Julien, femme. Mais c'est qui? Bah, elle est à côté de toi, là, je comprends pas. Julien, je vais t'expliquer. Céline, laisse-moi t'expliquer. Oh merde! Attends, parce que j'ai fait une bourde alors, je suis désolé, hein. Julien, tu recules. Il n'avait pas eu le temps de demander la permission. Je ne veux plus les entendre, Julien, je vais pleurer. Arrête. Julien. Laisse-moi t'expliquer. En fait, c'est parce que je n'ai toujours connu que toi sexuellement. Mais il s'en va rien passer pour moi, c'est merde. J'ai testé une autre expérience et je voulais voir si tu étais d'accord. Quoi, sexuellement? Qu'est-ce que tu racontes sexuellement? Il s'est encore rien passé, là. Mais j'aurais pensé que tu aurais été d'accord que j'essaye quelqu'un d'autre et voilà. T'es où, Aoui? Je vais aller trouver Caro, je te jure, je vais venir. T'es où, Aoui? Tu es où, Aoui? Mais je ne te dirai pas, je vais arriver, je vais arriver. Tu ne me diras pas, tu me dis tout de suite où tu es. Tu me dis tout de suite où tu es, Julien. Je vais venir te péter ta gueule, tu vas voir. Tu vas revenir. Je vais te péter ta gueule, je vais te préparer tes affaires et tu vas dégager. Tu te veilles sur tes parents et puis là, tu parles comme une couleuvre et j'entends une grosse pute en train de parler derrière toi et en plus, elle prend le téléphone. Mais c'est qui, ça? Et tu m'as même pas laissé t'expliquer, Loulou. Tu vas m'expliquer que tu me racontes, tu m'as jamais, jamais fait de face comme ça. Et là maintenant tout le monde n'était même pas capable de me le dire en face, en plus, jamais moi je t'étais trompé. C'est quoi cette histoire? Mais c'est, quoi, Loulou, c'est parce que... Laisse-moi t'expliquer. C'est pas je pense qu'il est un peu passif dans le couple. Ramène-toi. C'est déjà en route là, j'espère. Parce que je vais bientôt démarrer. Tu vas bientôt démarrer, t'as pas encore démarré depuis le temps que je te parle. Julien, t'es où? Bon, Julien, attends, sinon passe-la-moi deux secondes. Passe-la-moi deux secondes. Allô? Mais t'es qui? Je m'appelle Michel. Mais je m'en fous de Michel, passe-moi Julien tout de suite. Non mais, juste une seconde parce qu'il est parti aux toilettes. Je m'en fous, tu sais quoi? J'entends crier dans le téléphone là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça te regarde pas, mais t'es qui toi Michel? Je connais pas Michel. C'est DJ Mimiche. Qui? DJ Mimiche. Non mais je m'en fous, passe le téléphone à Julien. Je suis un copain de Julien, là, on fait parfois des soirées ensemble. Ça fait 11 ans, 12 ans que je suis avec Julien. Tous ses amis, je les connais. Tu vois, je les connais encore mieux et c'est sûrement pas Michel qui... Que je m'en fous déjà de te parler au téléphone. Passe le téléphone, dépêche-toi. Non mais il arrive là, il est parti aux toilettes. Mais je m'en fous qu'il est porté aux toilettes, mais... Va lui apporter le téléphone, je te jure. Bah oui, bon, enfin, ça, je vais pas me permettre. Mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves, il s'est rien passé avec l'autre fille. Il te demandait simplement s'il pouvait. Tu prends le téléphone, tu veux pas te permettre d'aller donner le téléphone, mais par contre tu veux bien te permettre, qu'est-ce que tu racontes? Je veux pas te parler, passe-moi moi Julien, dépêche-toi. Mais non mais je dis simplement qu'il s'est rien passé. Mais tu mais t'énerves, il t'appelait juste pour savoir s'il pouvait. Mais peu importe, s'il a bu un verre avec une fille, aujourd'hui il devait être chez ses parents. Ça fait une demi-heure que je l'attends et qu'il n'est pas encore là. Ah oui mais enfin bon, moi j'y peux rien, il faut pas crier sur moi. Mais je m'en fous, de toute façon je veux pas parler avec toi déjà, t'es qui? T'es Michel Dou déjà. DJ Mimiche. DJ Mimiche, oui, c'est ça. Je suis de Warem. Pardon? Je suis de Warem. Passe-moi s'il te plaît, Julien. Ouais, il arrive, attends une seconde. Passe-moi, j'en peux plus. Oh, bah il faut pas pleurer maintenant, alors dis donc, il s'est rien passé encore, hein, tout ça à cause d'une... Bon, c'est vrai qu'elle est bien foutue, mais bon. Mais ça va pas, non, ne me dis pas, attends, ma fille, attends, il va avoir 6 ans. On va faire 12 bon, ans. Bon, Julien. Julien, explique-lui, parce que là, c'est parti un peu trop, tu sais. Loulou? Loulou? Loulou, écoute-moi. Loulou. Céline. Déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu vas les baiser, non? Céline, c'est une blague, on est à la radio. Quoi? T'es en direct à la radio, t'es sur Fun Radio. Sur Fun Radio. Eh hey, Loulou, c'est rien, c'était pour rire. Eh oui, Loulou, oh là là. Ah bah oui, bon, alors... Mais c'est pas possible, j'ai failli faire un affaire. Mais il faut mettre jeune encore, du t'as quel âge Loulou? Mais peu importe, je vais en remettre 7 ans. Un infarctus à 27 ans, alors voyons, mais non. Bon. L'homme de ma vie, attends, il peut pas me faire ça, ça va faire 12 ans qu'on en fait. Tu sais, c'est une blague Loulou. Bah Loulou, dis donc, hey, tu t'es un peu énervé rapidement, on a même pas eu le temps de faire le jeu. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait... Mais non mais parce que... Ah bah ça j'ai bien vu, ouais. Non, parce qu'en fait le jeu si tu veux c'est qu'il était censé t'appeler pour te dire est-ce que je peux coucher avec une fille. Là voilà. T'as même pas eu le temps que... Il peut même pas aller voir une autre fille, je suis pas quelqu'un de jaloux mais faut pas exagérer. Ah bah non, on l'a bien vu là. Ah ouais non effectivement parce que je me demandais, je me dis putain c'est quoi une fille jalouse et puis en t'entendant je me suis dit bah c'est pas elle, non ça c'est... Non c'est pas elle. Non elle est pas jalouse. Non pas du tout ouais. On n'a pas pu utiliser de la chance que t'as. Bah oui exactement, voilà. J'ai même pas pu utiliser effectivement là. Mais tu te rends compte quand même de la chance que t'as. Qui ça moi? Non, bah toi t'en as pas mais Loulou. Loulou. Oh merde, elle a fait un affaire. Non. Loulou. Elle est où Loulou? Loulou. Ah, allô? Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a pipé, on a cru que t'allais sauter. Hein. Arrête, franchement, je suis désolée pour... Bah c'est pas grave, écoute, on aurait dû encore plus un peu plus t'énerver normalement, mais ah, écoute, on fera avec. Hein. Ouais, bah écoute... Bah oui, c'est ça, mais j'imagine. Bon bah écoute, bon, on va vous offrir quand même un cadeau à l'iPod Nano, ça te ferait plaisir Loulou? Parce qu'évidemment lui il aura rien vu comment il t'a rendu fou, folle plutôt. C'est pour moi le cadeau, tu ris ou quoi? On va te le filer, t'inquiète pas, y a pas de problème. Bon bah gros bisous Loulou hein. Sympa, bah bientôt. Bah écoute, avec plaisir, nous, si on peut se rappeler. Nous plus pour la même blague alors. Bah écoute, on essaiera d'innover d'ici là, y a pas de problème. Bon bah salut Loulou hein. Et respire Loulou, respire. Ouais ouais, respire à la cool pépère hein. Et puis Julien, je te passe le numéro de Vanessa hein. Ouais, d'accord. Non, pas très. Allez, salut vous deux. Au revoir, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ah, en tout cas, une chose est sûre, on voit qu'il porte la culotte à la maison. Hein. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il y a le moment, tu sais, je crois que je vais garder ce moment-là en tête. Je ne suis pas jalouse, mais quand même. Ouais, c'est ça, un truc de dingue. Putain. Oh. Il y a Rob qui dit le mec, il va prendre cher, qu'il fuit très loin. Let's be flux, il dit je suis pas quelqu'un de jaloux. Bah voilà, c'est la meilleure vanne de la soirée. Je crois qu'il se rend pas compte que c'est sa femme qui porte la culotte. Ah, mais t'as vu, puisque depuis le début, en fait, le mec. Oui. En fait, oui, je t'appelle. Tu sentais qu'il avait un peu peur quand même. Hein. Ah ouais, oh, putain, c'était une mitraillette quoi. Laura qui dit Julien va se faire tuer, hommage à toi vieux. Petit panda qui dit elle se rend compte de la chance qu'elle a, bah, je crois pas. Banana qui dit Usain Bolt il court vite, mais elle parle super vite. Ça c'est clair. Jérémy qui dit débarque, je découvre votre émission, je vais suivre tous les soirs. Merci Jérémy, sois le bienvenu. N'oublie pas de prévenir tes potes également, tes connaissances, hein, qu'on est là tous les soirs de 23h à minuit sur 2h pardon sur Fun et le dimanche de 20h à minuit. Et puis Dark Warps qui est un nouveau également hein, je l'avais pas encore vu celui-là sur le Twitter, qui dit mort de rire, il est culte celui-là avec DJ Mimiche. Mais j'ai même pas eu le temps de faire DJ Mimiche, ouais, c'est dommage. Non, elle était trop rapide. Mais ouais putain, déçu là quand même. Enfin bon, c'est pas grave. Et message qui dit Victor qui dit tu vas revenir pour que je te pète la gueule, je suis mort de rire Sandro, tu déchires. Bon allez, on revient dans un instant sur Fun, là bougez pas, l'heure sans pub elle s'arrête, rassurez-vous. On se met allez 37 plus 30, 1 minute 07 de pub et puis on revient juste après. Avec le son Stromae. Voilà, Stromae va arriver dans un instant sur Fun Radio. La bonne nuit tout le monde. Je rappelle qu'il y a sur la PS3 à gagner sur le Facebook. Venez, ne laissez pas partir aux autres. Vous allez simplement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Vous faites un like sur la photo avec la PS3. Et puis si vous la gagnez, je vous rappelle en direct à 2h du mat sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Oh, il était juste énorme, oh, le chéri, je peux te faire cocher à l'instant là. Oh là là, quelle folie. Il y a Quentin qui dit putain, mon frère m'a dit ta gueule tellement je rigolais. Il y a aussi Cédric qui dit la pauvre, comment elle s'est énervée, mort de rire, il a rien eu le temps de lui demander l'autorisation ni rien. Et Linda qui dit waouh, j'étais plié, il respirait plus. Ah non, mais pour le coup, elle a vraiment failli faire un affaire. Oui. Hein. Allez, venez nous rejoindre également sur le Twitter de l'émission là. Allez, maniez-vous, twitter.com/mikaelofficiel. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous tapez mikaelofficiel. On salue Lucas qui vient d'arriver et je viens de te faire un follow, pas de problème. Donc si vous me faites un follow, je vous follow back, donc je vous suivrai également. Mélissa également qui vient d'arriver, il y a Eric, il y a Rayvax, il y a Cassien, il y a Nico également. Quel autre également là qui vient d'arriver? Hop là, il y a également Duc, il y a Ludo, il y a Bobby qui je viens de faire un follow là juste un instant. Boy également, Florian, Lucie, etc. etc. Eh ben venez nous rejoindre sur Fun Radio. Vous êtes les bienvenus. Nouvelle émission pour ceux qui viennent de débarquer, soyez les bienvenus. Ceux qui viennent de quitter une radio, ben, vous êtes les bienvenus, vous avez fait le bon choix. On est là jusqu'à 2h du mat ce soir sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, 23h, 2h tous les soirs. Et Stromae qu'on écoute tout de suite. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Bonne nuit avec Fun Radio, on est en direct jusqu'à 2h du mat. Cherchez pas ailleurs, j'ai une PS3 encore à vous offrir tout à l'heure là. Ce sera tout simplement sur Facebook. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et à gagner évidemment donc la PS3. Si vous faites un like sur la petite photo où il y a la PS3, je vous tire au sort tout à l'heure avant 2h. Et si je vous appelle en direct, c'est gagné. Voilà, il suffit simplement de venir nous rejoindre facebook.com/mikaelofficiel. Et bienvenue également aux nouveaux là qui viennent de débarquer sur le Twitter à qui je viens de faire un follow back pardon. Thibaut, Christo également. Il y a Arnaud, Nicolas, Benjamin, il y a le XXLex14, difficile à dire, Antoine également, Flavien, 18 octobre qui est là également, bah tant mieux, Clément également, Anaïs, Baptiste, Bobby bien sûr, et puis des nouveaux aussi qui sont arrivés, il y a Titi aussi, il y a Loan Lapomme sur Instagram, il y a également qui est là, bref, un peu compliqué de lire les messages sur celui-là, hein, pour le coup. Bon voilà, vous savez, vous connaissez le principe, hein, donc Mikaël officiel, vous nous faites un petit follow sur Instagram et sur Twitter et je vous follow back derrière. Il y a Clem aussi sur le Twitter qui dit le rituel dans mon lit avec Mikaël officiel dans les oreilles. Posez, vous êtes tous au top les gars. Merci Clem, tous ces gens qui nous écoutent dans leur lit là. C'est bien. Ça m'excite. Ouais. Ouais, bon, enfin bon. Banana qui dit Mickaël, on attend tous Nalia pour bien rigoler, pour voir si on comprend ce qu'elle dit. Ah bah oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié Nalia là. Nalia ! Alors, Nalia, est-ce que tu réfléchis à ce que Seth t'a proposé comme défi, donc réveiller tes parents à coup de casserole là, en leur disant qu'il faut écouter Mickaël No Limit ? En fait, c'est que le problème... C'est que t'as pas de casserole chez toi. Ouais, c'est ça ? Non, c'est que j'essaie d'aller aux toilettes et mon père, je l'ai réveillé sans faire exprès. J'ai rien compris, Nalia, je n'ai rien compris. Bah, en fait, je suis allée aux chiottes et puis bah, mon père il s'est réveillé en fait. Ouais. Et alors? Et puis bah, en fait, là il regarde la télé. Et bah, c'est pas grave, tu vas le faire par la télé. Tu prends ton portable, la casserole et une cuillère en bois et tu vas devant. Tu sais, tu vas discrètement, devant la télé, ouais. Et bam, bam, bam, bam, bam. Ah, on fait non, parce que je veux bien faire autre chose, mais pas ça. Parce Nalia, que, Nalia, tu as dit ce qu'on voulait. Nalia, tu as dit ce qu'on voulait. Nalia. C'est ce qu'on veut. Et c'est perdu. Au revoir, Nalia. Allez. Non, allez. Si, si, allez. Si. Dehors. Nalia, pire. Nalia. Ah, lance-flamme. Je t'en mets dans la tronche. Voilà, tout ce que tu mérites. Nalia. Non, mais je peux faire, tu nous je peux as menti, Nalia. Nalia, t'en la joue, t'en la joue. Voilà. Non, je peux faire autre chose. Nalia. Oui. Au revoir, Nalia. Tu es le maillon faible. Non. Oui. Non. Au revoir, Nalia. Hop, terminé. Ah oui, mais bon, on a dit ce que vous voulez, ouais. Au final, on n'a pas vu faire ce qu'on voulait. Attends, moi en plus, je trouve qu'on a été très très sûr. Exactement. Qui c'est qui a pris un truc qui sent la bouffe pour chat ? C'est parce que je crois qu'au standard, ils ont pris une soupe. Oh putain, on dirait de la bouffe pour chat ! C'est vrai, on dirait un espèce de pâté là. Il est où le chat ? Il est où ? On va goûter. Il est où ? Non, mais c'est un truc de fou, on dirait de la bouffe pour chat, c'est quand même scandaleux ça. Dans le distributeur, il y a des soupes, alors on va goûter. Oh là là, mais goûte pas, c'est une horreur, t'inquiète pas là. Ah ouais, je te confirme, le chat il est content là, il a sa bouffe là. Oh, c'est mignon. Ouais. Ah, c'est mignon, ouais. Par contre, en fait, le soir on prend une tisane, on prend pas une soupe. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais on a envie de goûter. Ah, bah génial, très bien, ouais. Ah, il est pas content lui par contre. Il a bon, pas l'air d'apprécier la soupe. Non, bah la soupe elle est pas terrible apparemment, celle qui est au distributeur de la radio. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, avant de récupérer Laetitia et toute son histoire, direction évidemment maintenant. On a appelé le McDo tout à l'heure, on a appelé le restaurant chinois là, ça s'est d'ailleurs très très bien terminé le restaurant chinois. Ah oui. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Voilà. Donc du coup, maintenant on a le numéro d'un japonais. Ah bah voilà, peut-être qu'il est plus sympathique. Restons en Asie, dis-moi. Bah voilà, c'est ça. Bon, on appelle le numéro du restaurant livraison express japonaise. Le concept est simple, hein, c'est simplement parce qu'on a vu qu'à Zurich en Suisse, en fait, ils avaient proposé de faire un nouveau système de drive. C'est-à-dire c'est un drive de cul. Donc c'est-à-dire que t'arrivais, tu dis voilà, écoutez, moi je voudrais un godemichet, je voudrais ça et ça et vous me mettez. Oui, ça fera 153€ s'il vous plaît. T'avançais avec ta voiture et t'es très tranquille. Donc on s'est dit pourquoi pas faire pareil ici. Deuxième guichet. Voilà. C'est ça. Mais t'as vu un peu. Mais je devrais faire ça comme taf au cas où la radio se marche plus. Bon, on appelle le restaurant japonais là. C'est parti. Restaurant, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Voilà, je vous appelais, ce serait pour passer une petite commande à venir chercher. À emporter ? Non, venir, je viens la chercher quoi. Oui, aucun problème. Voilà. Je vous écoute, pardon. Voilà, parce qu'on m'a dit que vous faisiez des petits trucs spéciaux, alors voilà, j'aurais voulu un gangbang avec. Une petite pipe et un grand verre de foutre sans glaçon. C'est vrai ? Oui. Bon bah je vais vous le donner tout ça, espèce de connard. Essaye de rappeler, je te bute. Ah oh, putain, ils sont bons les Asiatiques. Les Japonais sont plus violents que les Chinois. Les Chinois sont restés au fils de pute et là ils veulent le buter. Oh putain, dis donc. Attends, elle a dit, j'ai trouvé quelqu'un pour accompagner mon ami connard. Hein. Connard va. Hein, apparemment elle a aussi le connard facile. Bon, on rappelle. Allez hop. Ah dis donc. Les gens sont pas ouverts, hein, c'est quand même dingue. Bon, on rappelle. Ça va le poulailler là ? Allez. Ah bah là, genre, ils sont fermés maintenant. Restaurant, bonsoir. Oui, excusez-moi, je comprends pas, on m'a dit que vous étiez une maison sérieuse. C'est vrai ? Bah oui. Essaye de rappeler, connard. Va te faire foutre. Et nique ta mère. Oh la vieux. Oh, il était bon celui-là. Eh, hey, c'est là, on va nous faire un florilège. Hein. Bon, on rappelle. Allez hop. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir maintenant là ? Je suis curieux. Elle est un peu tendue, hein. Elle doit pas avoir de mec depuis un petit bout de temps. Restaurant, bonsoir. Oui, bonsoir, vous m'avez dit d'essayer de rappeler, alors j'essaye. Tu veux que j'appelle la police ou pas ? Bah, je vois pas le rapport, moi je vous ai. Mais va te faire voir, tu rappelles plus. Ah, la police arrive, hein. Non, mais il était énorme, hein. Dis donc, entre tout à l'heure avec la Chine, là. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Fils de pute, voilà. Et puis là, on va recouper l'extrait, là, le premier, malheureusement, là, c'était celui-là. Oui. Bon, bah, je vais vous le donner tout ça, espèce de connard. Essaye de rappeler, je te bute. Oh là là, mais quelle violence. Oh putain, on était bon avec ça, tiens. Oh là là là là là, dis donc, la classe quand même. Bon. Oh là là, que des gens sympas. Ah ben, soir. Au taquet, au taquet. Laetitia qui est de retour, là, Clermont-Ferrand, là, de Laetitia de Amour, Gloire et Vulgarité. Tout à fait. Tout à fait, exactement. Bon, et donc concrètement, toi, tu nous avais appelé, Laetitia, c'était hier, hein? Oui. C'était bien ça? Oui, c'est ça. Très bien, non mais c'est juste pour être sûr, pour pas dire de bêtises. Bon, donc tu nous avais appelé parce que tu avais décidé... je sais même plus. Tu vois, je veux mettre les choses à plat. Ah, elle veut mettre les choses à plat. Mais, bon, écoute, heureusement, nous avons notre ami, notre grand ami. Oui. Exactement, Roger oui. Résumé. Exactement. Voilà, Roger le résumé qui va donc nous faire un résumé justement de cette de ce bordel sans nom, parce que je pense qu'on peut le dire, hein, c'est un bordel sans nom, hein. Oui. Ouais, c'est on est évidemment tous d'accord. Bon, allez, c'est parti pour le bordel sans nom. Roger résumé, vous êtes prêts? Je suis prêt. Très bien. Alors attention, 3, 4, si vous n'étiez pas là hier entre 20h et minuit, voici ce que vous avez raté en deux mots, hein. À peu près quoi. Oui. Pas plus que deux mots, quoi. Dans l'épisode précédent d'Amour, Gloire et Vulgarité, Tara, Anna et Charlotte, qui est l'amie d'Anna, qui elle est l'amie de Tara, qui elle-même n'aime pas Charlotte, se détestent car Charlotte a couché avec Tara et Anna, à moins que ce soit avec Guillaume, mais peu importe. Le cousin lointain de Tara, Jis Clown raté, revient en pays et il a décidé de faire une blague de 1er avril à son ami, Johan. Alors qu'on n'est pas le 1er avril, ah oui. Vous comprenez mieux pourquoi c'est un clown raté. Connard, va ! Johan a une meuf qui s'appelle Marine, qui elle a un ours en peluche. Jis veut faire croire à Johan qu'il a couché avec sa meuf. Mais Jis a vraiment couché avec Marine. La blague tombe à l'eau. Devine qui l'a poussé. Michael décide de tout nettoyer avec son lance-flamme. J'ai un lance-flamme. Mais tout ça n'a aucune importance. Puisqu'on ne parlera pas d'eux dans ce nouvel épisode d'Amour, Gloire et Vulgarité. Connard, va ! Laetitia est en couple avec Patrice. Laetitia est en couple avec Patrice. En clou. Et elle veut savoir pourquoi son ex, Anthony, a donné son numéro de téléphone à Julien, qui est aussi l'ex de Laetitia, qui a envoyé un message à Patrice, qui lui aussi un jour deviendra l'ex de Laetitia. Mais qui est Julien ? C'est pas moi. Vous n'avez rien compris ? Moi aussi, ça tombe bien. Connard, va ! Laetitia veut savoir qui a donné son numéro de téléphone. Étrange et inutile recherche. Mais bon, Laetitia est une femme et elle n'a que ça à faire. Elle soupçonne Julien d'être l'auteur de ce forfait. Drôle, non ? Forfait, SFR, bruit. Ah oui, ah pardon, oui, pardon. Connard, va ! Continuons notre résumé de Amour, Gloire et Vulgarité. Julien, qui est le principal accusé, crie haut et fort son innocence. C'est mais... pas moi qui ai donné le numéro. Qui est Julien ? C'est pas moi qui ai donné le numéro. Laetitia va enfin avouer qu'elle a des pratiques étranges. Laetitia va enfin avouer qu'elle pratique des jeux étranges avec son copain. Il chie sur les gens. Il t'emmerde, mon copain. Michael, devenu détective privé, décide d'enquêter sur l'affaire du numéro volé. Il décide d'interroger Laetitia. C'est 118-218 et que Toutou Youtou, il va lui donner son numéro. Michael a un nouveau suspect. C'est 118-218. Mais qui est Julien ? C'est pas moi. 118-218, c'est un nom bizarre. Mais faut faire avec. Même Michael, ce grand détective, ne comprend rien à cette histoire. Oui, bonjour. Je voulais savoir pourquoi vous avez donné le numéro Laetitia à Anthony. Non, de Pascal. De Pascal à Anthony. Pourquoi est-ce que le 118-218 avait donné le numéro de Patrice à Anthony ? À Julien. Pourquoi ? Oui, donc je suis à Clermont et je veux savoir pourquoi est-ce que vous avez donné le numéro de téléphone de Patrice à Anthony ? Parce que du coup, il tire la gueule. À Julien. On s'en fout. Est-ce qu'on aura un jour la réponse à cette question que tout le monde se pose ? Mais qui est Julien ? C'est pas moi. Laetitia va-t-elle trouver un autre futur ex ? Et Patrice va-t-il réussir à soigner ses hémorroïdes ? Et Sarkozy va-t-il se présenter à l'élection de 2017 ? Et qui a donné le numéro de Laetitia ? Et toi, Julien, va-t-on enfin te retrouver ? C'est pas moi. Tout ça et un peu plus encore, vous le saurez dans le prochain épisode de Amour, Gloire et Vulgarité. J'ai un lance-flamme. Voilà. Est-ce que comment Laetitia, aurais-je mal ouï vos propos ? Laetitia. Tu parles de Roger résumé. Hein? Aurais-je maloué vos propos? Dois-je venir te mettre une petite claquette? Ouais, c'est pas mal planté sur le résumé quand même. Ah bah attends, le résumé est quand même bon, non? Enfin bon, nous on a simplement résumé ce que tu nous as expliqué. Après. Oui, mais c'est le numéro de Patrice qu'on cherche à savoir pour qui. Exactement. D'ailleurs, nous avons enquêté. Et nous sommes rentrés bredouilles. Voilà, on a bien enquêté pourtant, hein. C'est-à-dire qu'on l'a fouillé. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai eu un petit coup de téléphone, là. J'ai eu un appel avec Anthony. Un indic, ouais. Non, parce que je balance son nom, j'en ai à foutre. Anthony qu'on a eu hier soir au téléphone, c'est ça, hein? Oui. Voilà, donc on essaie d'appeler Julien qui lui ne décrochait pas. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on va essayer d'appeler les deux maintenant, comme ça on est tranquille. Ouais. D'accord, Anthony parfait. Anthony est réveillé cette fois. Anthony est réveillé, oui, il est déjà un peu plus réveillé qu'hier, effectivement. Mais Anthony, non, mais... Anthony, t'es là? C'est pas Julien. Oui, je suis là. Parfait, très bien. Bon, Anthony, donc toi, on t'avait hier au téléphone, t'étais à moitié endormi, enfin bref. Voilà, mais là, je suis hyper en forme. D'ailleurs, je voulais dire, le résumé, franchement, j'étais mort de rire. Ah, mais c'est quand même un bon résumé. Merci, Anthony. Ah, mais super. Voilà, très bien. Super. Pour vous donner une idée quand même à quel point nous étions tous confus, évidemment. Bon, dans un instant, on va appeler Julien en direct sur Fun pour essayer de trouver une solution. Donc, Laetitia veut savoir pourquoi est-ce que Anthony a couché avec Julien. Et ce que je propose, c'est qu'on fasse ça dans un instant. PD, tu vois, je te l'avais dit, Anthony, que c'était un PD. Je suis un PD, c'est sûr, parce que tu l'as bien senti, ma queue. Oh ah ouais, tu parles de Patrice, là, parce qu'il a dit que t'avais quand même enculé Patrice, hein, en fait, t'avais baisé avec Patrice. Tu l'as bien senti, ma queue, quoi. Après, c'est votre problème, hein, si vous baisez entre vous, après. Oh là là. Moi, je veux pas votre plan. Et quand on est sortis ensemble... Quand on est sorti ensemble, t'as bien senti ma queue. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Allez, venez, prenez le contrôle de la radio, on est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Là. Balancez tous vos messages, il y a Eric qui dit je me retiens d'aller dormir, d'aller faire pipi, pardon, je veux la suite de l'embrouille. Bah, elle va arriver, tiens. Il y a Kelly aussi qui dit vous êtes géniaux tous les soirs, les écouteurs. Et boum, c'est fun, continuez comme ça, merci, bisous. Merci Kelly, bienvenue à toi. Il y a Zdepik aussi qui dit je vous souhaite une très bonne nuit, en tout cas, excellent. J'ai bien rigolé, à bisous et à demain. Ah non, Zdepik, tu vas pas partir à 20 minutes de la fin. Tu peux pas. Tu me déçois, Zdepik. Sache-le. Il y a Flo également qui a envoyé un message qui dit cette émission est un putain de gros n'importe quoi, mais c'est ultra drôle. Mickaël, un coup de pipeau pour l'ambiance. Bah, c'est pas moi, Flo, qui gère ça, c'est, ouais. C'est Polo là. Est-ce que Polo est OK pour le pipeau là ou... Eh ben, il va renvoyer un tweet et puis il va nous dire avec le vrai prénom et je le ferai. Bah, c'est Flo, là, de donner le vrai prénom, c'est Flo. Ah, d'accord, bon, on y va alors. Voilà. 3, 4. Voilà, pour toi Flo. Il y a Benji aussi qui dit oh mon dieu, c'est nos limites. Trop bon Mickaël, merci Benji. Antoine qui dit trop bon le résumé. Qu'est-ce qu'il y a? Jérémy aussi, encore un autre qui dit crame le cul à tous les coupables, on sera tranquille. Oh la violence. Et Gaylord aussi qui dit je vous kiffe les gars, toujours aussi content de vous écouter, j'écouterai toute ma vie. Ah, de là à ce qu'on soit là toute la vie, ça c'est un autre problème. Et Ophélie aussi qui dit alors on a enquêté, on n'a rien trouvé, énorme, ça m'a tué. Ah non, j'ai dit on est rentré bredouille, Ophélie. Et encore Benji qui dit Roger résumé là, oh my god, je meurs de rire et King of the Limit. Fouillez, vous surtout. Attends, quoi, vous avez surtout fait des mojitos plutôt. Non, c'est faux. J'en ferai demain d'ailleurs, mais pas aujourd'hui. Mais vraiment en live et tout, tu vas les faire? Ouais, t'inquiète. Mickaël aussi qui dit merci pour ces délires de furieux, l'équipe. De quoi? Il y a de l'enfume dans ce truc. Non. Et Clara qui dit en fait la vraie star de Amour, Gloire, Vulgarité, ça lance flamme. Ouais, c'est un peu ça, effectivement, ouais. Bon, allez. La suite, on va récupérer Laetitia, Anthony. Ça va, vous êtes encore embrouillé en antenne ou pas là, non? Non. Ah, d'accord. Là. Très bien, parce que Laetitia. Ouais. Anthony m'a dit qu'il était encore amoureux de toi. Hein. Grave. C'est ça, ouais, lol. Non, mais sérieux? N'importe quoi. Sérieux, c'est tout à l'heure, j'ai discuté avec lui sur Facebook. Ouais. Et il m'a dit, c'est vrai en plus. Et il m'a dit, ouais, moi je la kiffe encore et tout, elle a un beau cul. C'est ça, ouais. Mais je te jure! Il est en train de faire ça, ouais. Mais attends, mais. T'es pas malin, Mickaël, parce qu'il m'a dit le message qu'il t'a mis sur Facebook. Mais ouais, mais justement, mais il t'a pas tout mis. Attends, ça, attends, oui. Mais Laetitia, t'es une fille, t'es pas stupide. C'est-à-dire que tu sais quand même que quand un mec est, et surtout les filles d'ailleurs, quand elles disent un truc, c'est qu'elles pensent le contraire. Eh bah oui. C'est pas toi qui vas me dire l'inverse quand même. Tout dans l'enfume. Ah, moi ça va, je reste avec mon mec tranquille, je suis très bien avec. Non, mais ça c'est une chose, c'est juste qu'il est en kiff sur toi. Voilà, c'est tout. Après, ça arrive. Un peu. D'accord, ok, très bien. Bon, Anthony. Ouais. Ouais. Bon, on va appeler. D'accord, ok, très bien. Tu vois, il confirme, Laetitia. tu vois, il confirme. Bon, on va appeler Julien. Ah ouais, appelle un peu. Ouais. Bon, normalement, allez. Il répond. Je sais même plus pourquoi on l'appelle. Bon, enfin, on y va. Ah oui. Cerise de merde. Ah si, pour savoir pourquoi est-ce que Julien avait donné ton numéro à Anthony, c'est ça? Ouais, le numéro du mec de Laetitia. Mais le numéro du mec de Laetitia. Mais qui est Julien? Un ex de Laetitia. Allô? Allô? Allô? Oui. Le mec qui fait genre de pas écouter, tu sais. Tout peut se passer. C'est la deux fois qu'il nous fait le coup déjà. Tout peut se passer. Allô? Oui. Ah bah enfin. Bah enfin. Oui, donc. C'est qui? C'est Laetitia, pauvre débile. Je voulais savoir, quand t'as dit à Benjamin, à Patrice et à moi que c'est Anthony qui avait filé le numéro. Ne casse pas la tête, il a raccroché là, il t'a raccroché à la gueule, Laetitia, on va le rappeler. Oh. Vas-y, rappelle. Tu vois, il a pas de couilles le mec, en vrai je vais le castrer. Bâtard, enfin. Je vais le castrer. Vas-y, on le rappelle, Laetitia, montre que t'es la patronne là. Attends, c'est sérieux ça? Mais qui est Julien? Oui. Oui. Oui. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Hein? Pourquoi tu raccroches dans la gueule des gens? Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Connard, va. Juste comme ça. Je veux savoir pourquoi t'as dit à Patrice et à moi et à Benjamin, mon frère, que c'est Anthony qui avait donné le numéro de Patrice. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Du coup, on a Anthony en ligne, là. Et on voulait savoir, du coup, qu'est-ce que t'avais à dire par rapport à ça. Parce qu'apparemment, tu nous... Foutre. Hein? Connard, va. T'es en train de nier. T'as nié auprès d'Anthony, comme quoi. C'était... C'est quoi ce bruit derrière? Comme quoi tu nous avais dit que... Quoi? Oh. Quoi? C'est quoi ce bruit derrière, là? C'est quoi ce bruit derrière? Tu sauras plus tard. Peu importe. Connard, va. Ah oh, bah connard, je comprends. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Ouais. Connard, va. Donc, c'est quoi, c'est Anthony qui a donné le numéro? C'est qui qui m'a fait le derrière? Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Oh, Mickaël, arrête. Quoi? Non, réponds. C'est marrant, ouais. Ouais, c'est marrant. Tu veux en mettre un petit coup? En vrai, dis-nous, hein. Dis-nous, c'est vraiment Anthony qui a le numéro? C'est direz-vous, non? Ouais. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Tu nous dis à nous que c'est Anthony, après tu dis à Anthony que c'est pas... T'as pas dit que c'était lui et tout. Ouais, c'est pas lui. Ah ouais? Et pourquoi tu nous dis à nous que c'est lui, alors? J'ai jamais dit ça. T'as dit ça quand? Bah, Benjamin, t'as dit ça à moi, et t'as dit ça à mon copain, tu sais. Ouais. Allez, c'est quoi, va te faire foutre, connard. Quoi? J'ai pas que ça qu'à foutre. Connard, va. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, c'est quoi ce bordel? Bah, c'est quoi ce bordel? Je te le demande, qui êtes-vous? Et toi, qui t'es? Vous êtes sur ma ligne. Balle. Je vais appeler la police, hein. Bah, appelle-la. Eh bah, justement, bah, j'appelle la police. J'appelle la police. C'est une menace que je vais mettre à exécution. Mais le FBI... D'accord. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Il y a la totale, ce coup-ci, non? Bonsoir, c'est la police. Ouais, ta sœur. Quoi, ma sœur? Qu'est-ce que pour qui? Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Oh, qu'est-ce que tu veux? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Moi, je veux savoir pourquoi t'appelles la police. T'appelles ta sœur aussi. Quoi, ma sœur? Qu'est-ce qu'elle a, ma sœur? Oh! Oh, débile, pauvre con, réponds. Quand on te pose une question... J'ai appelé renfort, chef. Bon, c'est bien, mais il répond plus là. T'appelles la CIA. Ah non, mais moi je suis là, non, t'inquiète. Non, c'est pas à toi, je parle au monsieur là, au monsieur qui est vulgaire. Ah allô ouais. Ouais, Julien. André. Oh. Julien. Pour qui tu te prends? Ouais, bah réfléchis avant de répondre. Hein. Bon, je rappelle la police là. En vrai, il a que ce mot-là dans la bouche. Ta sœur. Elle va ta venir. Sœur, ta elle sœur. Va venir moins vite, par contre, là. Quoi? Ça, c'est marrant. Elle n'a pas les relents de la sonnerie. Bonjour. Ah non. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Et la fille, on peut peut-être appeler la fille, ah non? Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Bon, alors, Julien, pourquoi t'as donné le numéro de téléphone d'Anthony, de Roger, là, à Anthony? De quoi? Non, c'est Patrice. En français, toi. Patrice. Pourquoi t'as donné le numéro? Pourquoi? Réponds. Pourquoi tu dis que Anthony, c'est lui qui a donné le numéro de Patrice à toi? Pourquoi tu dis ça? Et après, t'assumes pas devant lui, c'est que t'as pas tes couilles, tu les portes pas ou quoi? Réponds. Oh, j'ai une mitraillette en vrai. Bah réponds. Ça y est, vous croyez où à la guerre ou quoi? Ah, tu veux? Ah, je suis bien là. Bon, alors pourquoi t'as donné? Pourquoi? Je suis touché. Ah bah dis donc, on dirait pas, hein. Tu pourrais... T'as fait l'acteur studio, toi, non? Ouais. Ah bah recommence, hein. Parce qu'a priori, t'as pas bien suivi la formation. Okay. Bon, alors dis-nous pourquoi, Julien? Pourquoi t'as donné le numéro? Mais t'es qui, toi, là? Pourquoi? Pose pas de questions. Je suis monsieur le commissaire. Ouais, monsieur le commissaire, et mon cul, c'est le commissaire? Pardon? Non, ton cul, c'est... Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. T'arrives même pas à chier, t'es constipé. Ça, c'est une belle insulte, Edicia. Je vais la garder comme ça quand quelqu'un m'emmerde. Je lui dis, t'arrives pas à chier, t'es constipé. Si je puis me permettre, c'est pas la meilleure hein, que t'es sortie. Voilà. Hein, tu nous as lâché des beaucoup plus belles que celle-là. Parce que celle-là est quand même bien pourrie. Bon. Le mec qui m'embrouille, je lui dis, allez, va t'arrives pas à chier. Ah, il y a Edicia qui nous fait les bruitages. Tu me demandes, à moi j'en ai. Hein. Tu vois, il suffit de me demander. Bon, Julien, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours une bonne conversation avec Julien et ça c'est... Non, mais qui est Julien? Mais ah bah, je sais pas justement, tiens, du coup je sais plus là, qui est Julien? Julien? C'est un de mes ex. Ah, c'est un de tes ex, tu sais bien choisir, Lizia. Bon, Julien. Un chauve. Attends, peut-être qu'Anthony veut te parler? Ouais, Julien, je suis sur Fun Radio. Oui, ça je l'ai déjà dit, Anthony. Ouais, mais il croit pas. Ah bon, bah pourtant, en même temps, avec tous les bruitages qu'il y a, apparaître dans un film, je vois pas très bien où on peut être. Hein? Donc, bon, Julien. Ouais. Ah, Julien, là, il fait les voix de monstre. Radio. Parfait. Julien oui. Tu nous fais un monstre? Parce que je peux le faire aussi, hein. Ils sont... Non, moi je fais plus que les bruits du porc, hein, parce que franchement... Ouais, j'avoue. Tu es ton père. Bon. Réponds à la question, Julien. On attend toujours, hein. Ouais, là on attend toujours, là on commence à s'impatienter. Ouais, hein. Ouais, grave parce que. Alors vas-y. Julien. Ah, il siffle aussi. Bon, Julien, putain. Bon, Julien, tu me fais chier là, réponds. Ouais. Tu t'as pas de pitié pour lui, qu'est-ce que tu donnes de la pitié pour un gars comme ça? Il a allumé une merde sa radio à la base, une sous-merde. Non, c'est Anthony qui a allumé sa radio. Ah, ouais. C'est Anthony. Oui, oui, oui. Anthony. Ah, bravo, on t'avait dit couper la radio. Que je te donne en vrai, Julien, tu peux la radio pour te chier. Bon. Julien, t'es là ou pas? C'est bon, c'est coupé. Julien. Bon bah écoute, malheureusement, Laetitia, on ne pourra malheureusement pas résoudre cette enquête. Mais non, mais parce que vous ne laissez pas parler aussi. T'es sérieux? Attends, alors faisons un test, tout le monde se tait. Julien. Oui. Ah, bah tu vois quand tu veux. Bon, alors Julien, pourquoi ça te donnait le numéro de téléphone alors? Julien est occupé. Très bien, et à qui je parle? à sa copine. Oh, bonjour la copine de Julien. Mais comment s'appelle-t-elle? Aurélie. Salut Aurélie. Tu as une voix sexy, Aurélie. Merci. Ah, je t'en prie. De quand date l'opération? Comment? De quand date l'opération? C'est ta soeur. Elle va bien? Ah, bien aussi. Tant mieux, je t'avais, en même temps je t'ai rien demandé. Bon, alors, Julien, ah non, Aurore, enfin j'ai oublié comment elle s'appelle. Oh, Thérèse, appelons-la Thérèse. Thérèse. Aurélie. Hein, Aurélie. Oui. Bon, alors, pourquoi le numéro? Pourquoi est-ce que t'as donné le numéro? Attends, demande à Julien. Bah, demande à Julien. Oh putain, comme Julien, si c'était pas déjà assez long comme ça. Attends. Il faut qu'il ait un dénouvellement de personnalité à manquer de l'examen maintenant. Tu peux nous dire définitivement, j'en peux plus. Julien. Julien, s'il te plaît. Non, c'est Aurélie. Attends, tu peux nous passer Julien? C'est qui? Tu peux nous passer Julien, s'il te plaît? Non, mais c'est Julien. Mais je sais. Mais on a compris, Anthony, on n'est pas complètement de B non plus. Tu les prends pour des teubés? Ils sont pas tous comme Julien, hein. Bon. Julien, ou la sœur à Julien, là, non, la c'est copine. Juste vraiment pour clôturer le débat. Ouais, parce qu'on aimerait bien rentrer chez nous avant, tu vois, c'est-à-dire que bon. Hein? J'ai des fiches à faire, moi. Ouais. J'ai pas de cadeau, j'aimerais rentrer à l'heure. Bon, Julien. Oui. Bon, alors, voilà, dis-nous, Julien, fais-moi plaisir. Dis, allez tous vous faire enculer, raccroche. Arrête, mais on veut la fin de l'histoire aussi. On l'aura pas, on l'aura jamais. Mais si. On l'aura jamais, faut arrêter. Il y a un moment, faut se rendre à l'évidence. Raccroche, tu vois. Fais-nous plaisir, raccroche. Voilà. Julien, tu peux dire, allez vous faire enculer. Ouais. Oh non, il l'a pas dit, merde, on va le rappeler, attends. Il a pas dit de vous faire enculer, je suis déçu. Bon, on vous reprend demain, Grégory, Valentin, Flavien. Non. Eh non, une seconde. Il y avait un Benjamin aussi. Julien ! Oui ? T'as pas dit d'aller vous faire enculer avant de raccrocher ? À qui ? Bah, nous tous. Ouais, ça se dit pas, ça. Bon, alors à Laetitia. Ouais, t'as bien dit, Julien, bien dit. Non, mais est-ce que tu sais qui a donné le numéro ? Ouais, juste, tu peux nous dire qui. Même si tu mytho, on s'en fout, mais au moins on a une réponse. Non, est-ce que c'est toi qui a donné le numéro ou pas ? C'est juste qu'on voulait savoir, en fait. Le numéro de qui? Mais le numéro de Patrice. Le numéro de mon copain. Est-ce que c'est toi qui... pourquoi t'as dit que c'était Anthony qui avait donné le numéro? Tu nous as dit que c'était 118-218, on les a appelés hier. En l'occurrence... En fait, on veut savoir comment tu as chopé le numéro de Patrice, c'est ça? Ouais, bah, voilà. C'est Patrice qui m'a appelé avec son numéro. Oui, bien sûr. Et il change de version comme de Smith. Ah, maintenant, ça va être sur ton mec que ça revient. Ah bah voilà. Allez, passe-nous Patrice. Passe-nous Patrice. Tiens, Patrice. Parfait, entre couilles, on sera bien. Entre couilles. Patrice ? Allô, bonsoir. Oui. Allô, Patrice ? Oui, bonsoir. Bon, pourquoi t'as appelé Julien avec ton numéro pas masqué ? Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Hein. Le Julien, là, il m'a appelé dimanche à 19h. Je précise, c'était dimanche dernier. Hein. Il m'a appelé à 19h alors que j'étais à table. Donc, bon appétit. D'accord. Il est à table. Tu manges quoi, ce jour-là ? Le truc c'est que j'ai pas répondu, donc déjà j'ai beau balancer la personne sur messagerie. Et quoi? Et quoi? Non, déjà. Oui, alors il t'a appelé beau, pendant que tu mangeais, d'accord. Oui, voilà, donc déjà j'ai beau balancer. Je t'ai jamais appelé quand tu mangeais, toi. Hein? Julien, qu'est-ce que tu dis? J'ai jamais appelé quand tu mangeais, c'est toi qui m'as appelé un dimanche et que j'étais au foot. Comment tu l'es? J'ai vu là. Laissez-moi finir. Donc déjà, comment j'ai eu ton numéro? Patrice, comment j'ai eu ton numéro? Dis-moi. C'est bien toi qui m'as appelé. Mais Julien, écoute-moi, Julien. Quand je t'ai appelé après le repas, quand j'ai fini de manger, même que tu me demandais ce que je faisais. Patrice. Oh là là. Patrice. Patrice. Non mais en gros, Julien, il a le numéro de Patrice parce qu'il l'a appelé. Patrice. Ici la voix. Oui, la voix. Très bien. La voix te demande pourquoi est-ce que tu as appelé Julien? Non, parce qu'en fait, le détail qu'il ne voulait pas expliquer, c'est que monsieur, il a Patrice, voulu s'assurer Laetitia. Je ne te demande pas de raconter notre ta vie, pardon. La voix demande pourquoi tu as appelé Patrice. Bah parce que Julien m'a appelé sur ce numéro. Donc moi déjà je ne savais pas ce numéro. Donc j'ai appelé ce numéro. J'ai donc demandé à Julien. C'est toi qui m'as appelé avec ce numéro. Oh putain. J'ai demandé à Julien pourquoi il m'a appelé. Il m'a dit. Non, j'ai demandé tout d'abord comment il a fait pour avoir mon numéro. Bah oui, il m'a appelé avec le 118-218. Vous avez qu'il a donné tous le numéro. Réussi à faire chier la voix. La voix se retire. 118 218. Ah putain. Donc au final c'est simplement que Patrice l'a appelé, il a laissé son numéro et tout vient de là. Point barre. On s'est vraiment Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Patrice? J'ai appelé le numéro qui m'avait appelé. Ouais. Et tout d'abord, déjà, le mec, il m'appelle et il me fait je t'appelle pour me présenter mes excuses. Donc déjà, je lui demande comment t'as fait pour avoir mon numéro. Il me fait c'est le 118-218. Mais il s'est foutu de ta gueule, c'était une vanne. Après, il m'a fait sur Orange. Donc déjà, tout d'abord, moi, je suis pas sur Orange. Après, il m'a fait c'est Laetitia. Laetitia, quand elle donne mon numéro de téléphone à quelqu'un, elle me le dit automatiquement. Patrice, après il s'est foutu de ta gueule, oui. Julien, tu me dis si je me trompe, mais tu l'as appelé, il a ton numéro, il te rappelle, tu lui dis t'as eu mon numéro, bah je l'ai eu au 118-218. Bah non, il a indiqué quand tu l'as appelé, point. Non. Tout vient de là. Ah non. Je l'avais pas appelé ce jour-là, c'est lui-même qui m'a appelé, donc moi. Ouais, mais bon, il y a un moment, il t'a appelé juste avant, non? Oui. Ah. C'est pour ça que moi j'ai appelé le numéro. Donc il t'a appelé. Oui, il m'a appelé. Donc c'est pour ça que moi j'ai rappelé le numéro, parce que non seulement ce numéro-là, je le connaissais pas. D'accord. Alors attendez, ouais. Et après, il m'a dit que c'était le 118-218. Après, il a dit c'est Orange. Après, il a dit c'est Laetitia. Samedi, j'étais chez le frère à Patrice. Oui. Anthony. Oui. Julien. Yes. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Je vais me suicider. Shadows in my heart. C'est Fun Radio et Muttonheads à l'instant sur Fun. C'était Snow White. Dans un instant, on fera le tirage au sort aussi sur le Facebook, hein, tout simplement, pour savoir lequel va repartir avec la PS3 là, dans un instant. Ça va être bon, ça. PS3 gagné, un peu la folie. Donc si vous voulez tenter votre chance, vous allez sur le Facebook de l'émission là maintenant, facebook.com/MIKAELOfficiel, et vous repartirez peut-être avec votre PS3 d'ici quelques instants. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et puis plein de messages également qui sont arrivés là, notamment par rapport à l'histoire, à la story là à l'instant. C'était pas que c'était la folie là, au-delà de la folie là, c'était scandaleux même. Cette histoire avec tout le monde là, j'en ai encore une tête, mais j'ai encore la tête dans le fion là à ce niveau là. Oh, mais comment vous dire que dur, très dur. C'est ça Mickaël, nos limites, voilà. On est comme ça, nous. Faut que juste que les limites de l'auditeur, faut juste que je me remette là. Faut juste que je me remette. Pipo un peu, allez. Ah, ça fait du bien. Ah bah là, on est pas mal. Message qui est arrivé qui dit je savais que c'était Teubé et Julien, mais alors à ce point-là, big up à vous, c'est Stogan. Lorraine qui dit aussi oh putain, je vais me pisser dessus tellement je rigole, c'est un gros bordel, pire que Dallas ou Plus belle la vie, vous êtes des tarés en vrai, je vous adore, merci. Il y a Laure qui dit mort de rire, Mickaël, mais quel bordel, je vous kiffe dingue, Mickaël, Sandro surtout off, quelle horreur, Laure, merci, voyons. Merci, Laure. Quelle horreur. Il y a Ben aussi qui dit c'est clair que Secret Story, ça, oh mon dieu, cette séquence est mythique. Ou encore, qu'est-ce qu'il y a comme message? Thomas qui dit énorme le live parti en couille à la fin, je vous adore l'équipe, Mickaël. Limite sur Fun. Merci Thomas. Jonathan aussi, mort de rire, vous êtes des fous, je suis plié, tous les bruitages, je suis mort de rire. Et moi ça m'a tué, hein, je vais dormir là. Sleep Force aussi qui dit trop bon cette histoire. Alexandre qui dit je suis mort de rire, mais j'ai toujours rien compris. Eh bien, sois rassuré, nous non plus. Personne. Et Petit Panda qui dit aussi allez, coup de lance-flamme dans la gueule et on n'en parle plus. C'est vrai que je n'ai pas lancé le coup de lance-flamme dans la gueule là. Voilà, tout simplement. Bon, on va reprendre Greg qui est avec nous. Eh hey, Greg, je suis vraiment désolé. Mais on on t'a fait patienter, je suis vraiment désolé, mais on est parti dans des trucs dans tous les sens. Comment t'expliquer qu'on est dans un drame là? Donc on va te reprendre demain si ça te dérange pas. Y a pas de souci. D'accord. Voilà, merci. Bon bah très bien, bah, c'est gentil de ta part en tout cas. Y a possibilité de faire une dédicace, Mickaël? Ah bah évidemment, vas-y. Je te mets même pas la musique, ringarde. Ok, merci. Je fais une dédicace à Jamba, au staff du Blue et à mon cousin Jimmy. D'accord, c'est tout? Voilà, c'est bon, c'est tout. Très bien, parfait. Bon, ben, impeccable. Ben, le message est passé, en tout cas. Salut Greg, on te reprend demain soir, hein, okay. D'accord? À demain, salut. Salut Greg, à bientôt, ciao à toi. Et puis on va se faire aussi l'appel du gagnant là. C'est quel numéro, quelle ligne? C'est le 7? 7. 7, très bien, gagnant de la PS3 sur le Facebook. Attention, on y va, c'est parti, on appelle. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond correctement à la question que je vais lui poser, c'est-à-dire bah, est-ce qu'il a liké en fait tout simplement, c'est pas une question au final. Allô. Hein, si on... Oui allô, bonjour, comment tu t'appelles? Morgan. Morgan, salut Morgan. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, t'as été faire le like non, là sur non, la photo la photo PS3. Oui. Eh ben voilà, elle est pour toi la PS3. Non, bravo à toi. Morgan, c'est Morgan, c'est ça? C'est ça, ouais. Eh ben très bien, ben voilà, bravo à toi Morgan. Ah merci Mika, tu gères. Je t'en prie. Et pour ceux qui se demandaient comment ça se passait pour les tirages, en fait c'est simple. C'est-à-dire que vous faites un like, donc nous, une fois qu'on vous sélectionne, on vous envoie un message privé pour vous donner notre numéro, enfin votre numéro de téléphone. Et nous on vous rappelle en direct tout simplement pour que bah, vous puissiez repartir tout simplement avec, bah, avec votre PS3. Voilà, en toute simplicité du moins. Bon, et eh ben je pense qu'on va on va s'arrêter là, hein. Je pense qu'on a passé une bonne soirée là. Hein. Bah, on était bien, ouais. C'était pas mal. Hein, on a passé une bonne soirée. Un coup de pipeau encore avant de partir. Un coup de pipeau, ouais. Allez, avant de partir, un coup de pipeau là, allons-y. Eh ben voilà, et on salue également tous ceux qui étaient connectés ce soir. Il y avait le prince Nadia qui dit que j'ai passé une super soirée en votre compagnie. Merci à toi Nadia. Chloé qui dit sérieux, je suis plié, vous gérez trop, bah c'est gentil. Cédric qui est passé la grosse copine fake, on dirait un comédien chez Carglass. Il y a Paul qui dit vainqueur, Mickaël par KO, on est tous morts de rire derrière la radio. Bah tant mieux Paul, et sois le bienvenu à toi aussi. Clara qui dit t'arrives pas à chier, t'es constipé, c'est de l'insulte. Ah ouais, ça c'était de la pure insulte là ce soir. Hein. Audrey qui dit aussi énorme délire, je vous adore. Brice sur le Facebook, super soirée avec vous, restez comme vous êtes, merci à toute l'équipe. Il y a Brice qui dit super soirée avec vous également. Laura qui dit tu suis tout ce qu'ils disent, toi en secret, toujours en train de demander ce qui se passe, mort derrière, tu m'as tué. Puis Mickaël qui dit merci pour cette soirée l'équipe. Bah, surtout merci à vous d'avoir été là nombreux ce soir sur Fun Radio dans notre compagnie. Puis bah, on était content de la passer avec vous également. On salue d'ailleurs tous les nouveaux qui viennent de débarquer là ce soir. Hein. Soyez les bienvenus. Si vous venez de changer de radio, soyez bienvenus. Si vous n'écoutiez pas la radio et que vous êtes tombé sur Fun, et bah, vous êtes bien là aussi. On salue tous les nouveaux qui sont arrivés là, notamment sur le Twitter. Je vous rappelle que le concept, hein, vous me faites un petit follow et moi je vous follow back derrière. Pareil sur Instagram, si vous voulez nous rejoindre, eh bien vous venez tout simplement, vous tapez M-I-K-L officiel sur Twitter et sur Instagram. Allez hop, j'en fais une petite chier vite fait avant de partir là. Marion que je follow qui vient d'arriver, Kevin, Adèle également, soyez les bienvenus, Thibaut, il y a Seb également, Arthur, Live Gaming, il y avait quoi aussi, Follow a Dream, il y avait Raphaël Leroux là, Florian qui vient débarquer, Émilie demoiselle, très bien, vous allez dormir, c'est parfait. Et Olivier aussi qui voilà, vient de débarquer, que je follow comme promis sur le Twitter. Merci à tous ceux qui étaient connectés également sur le Facebook de l'émission ce soir. On se retrouve bah, dès demain en pleine forme. Ouais, attends, je vous posais la question là justement. Non, dès demain en pleine forme sur Fun Radio. Ouais. Et je rappelle que si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez appeler évidemment Sandro dès maintenant. Ça se passe au 01 42 48 5000. Elle fait nuit blanche. Voilà. Au 02 851 4x0. Sans oublier le mail, bien sûr, sandro@funradio.fr. Bref, pourrissez là. C'est bien résumé. Oui. Je trouve que c'est bien résumé. Très bon résumé, ouais. Bon, bah c'est parfait, très bien. Bon, on se quitte, Toff, est prêt, tout est ok? Tout est ok. Très bien, allez, rencard demain dès 23h sur Fun Radio. Ciao tout le monde. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et avant de partir, évidemment, il faut quand même annoncer les titres qui vont suivre. Alors, c'est marrant parce qu'il a tweeté tout à l'heure en fait qu'il allait dormir à 20h. T'es sérieux? Tu vas dormir à 20h? Toujours à 20h. À 20h? Petite sieste entre 20h et minuit pour arriver à 2h en pleine forme. C'est improbable. Petite soupe, petite sieste, ouais. Une tisane. Voilà, c'est ça. Non, il va tenir jusqu'à l'arrivée de Brulot tout à l'heure à 6h. Là, c'était une petite côte de veau, tu vois. Avec, Oh, monsieur est connaisseur. Regarde, très, quelqu'un qui a jamais dormi trop tôt, regarde la gueule que ça fait. Regarde la gueule à Toff. Ouais, après, tu ressembles à Toff et tout, tu te la ramènes beaucoup moins à ce moment-là. Évidemment. Il est beau gosse. Non, t'emballes enfin, pas. T'es enfin un homme de goût dans ce. Non, mais t'es pas obligé de mentir, hein, t'inquiète pas, on sait tout ça, y a pas de soucis. Bon, bah, bonne nuit en tout cas, bon courage jusqu'à 6h du mat. Merci Mickaël. Et puis, ratez pas le rencard tout à l'heure avec Bruno à partir de 6h. Et puis, cet enculé qui a fait interview de Lady Gaga aujourd'hui. Ouais, il a énorme. C'est Bruno. Il a des contacts. Comment t'expliquer, mon pote, que je vais te dire que Lady Gaga elle pouvait venir que chez moi, t'as vu? Voilà, tu vois, c'est ça, c'est Bruno, exactement. Bon, rencart à l'heure à partir de 6h. Et puis on se retrouve demain dès 23h, juste après Love In Fun. Et j'ai promis à Karima de lui faire des mojitos. Ah. Enfin, à toute l'équipe, hein, sauf au doc, je fais des Virgin Mojitos. Donc demain, il va falloir que j'aille chercher le matos, quoi. Bon. Ouais. Je suis impatient de voir ça. Bah, je te laisse avec Carolina Marquez. Allez, vas-y, balance le son. Hop là. Et puis, merci Mickaël, à demain. Bah, je t'en prie, tu fais l'intro ou pas? Bah, bien sûr. Carolina Marquez, sur Fun Radio, bisous. Quel talent!